Je ne dis pas merci d'être venu si nombreux parce que vous n'êtes pas nombreux, mais vous n'allez pas regretter d'être venu, je pense. Ouais, on a un peu des difficultés. Pourtant, on a toujours le même nombre de contacts, mais je ne sais pas si les sujets ne passionnent plus les gens ou s'il y a plein d'activités le samedi. Bon, bref. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Thierry Maricourt, qu'on connaît depuis belle lurette, puisqu'il était présent à la première foire au livre anarchiste qu'on a organisé à Marseille en 2003. Et à l'époque, c'était en tant qu'auteur et éditeur, puisque Thierry a fait à peu près tous les métiers du livre, ouvrier d'imprimerie, bibliothécaire, j'ai vu, je ne sais pas, on en parlera, parce que moi aussi j'ai été bibliothécaire. Éditeur, donc la maison d'édition, ça va être le Goût de l'être, si je ne me trompe pas. Il y en a eu d'autres ? Oui, je ne sais pas. D'accord. Donc, alors c'est un des rares auteurs anarchistes qui vit de sa plume. J'en connais toi, il y a Cathy Itac, je pense aussi, mais qui est traductrice, et puis il y avait Claude Guillon qui, je pense, qui est publié, qui vit un peu de sa plume. Mais c'est quand même assez rare hein, pour le noter. Mais t'es quand même l'auteur, t'as écrit depuis que t'es né, t'as écrit un bouquin par an, puisqu'il y en a au moins une soixantaine. Moi, j'allais dire une vingtaine. Soixantaine de titres, très variés, de la littérature, des livres pour les enfants, les ados, et puis tu fais des ateliers d'écriture dans divers lieux. Alors après, c'est pas comme ça qu'on t'a connu, mais on utilise tes bouquins puisqu'on a l'histoire de la littérature, enfin le dictionnaire des auteurs prolétariens, qui nous est très utile parce que bon, dans nos archives on garde tous les bouquins à Naples, mais on garde aussi tout ce qui est littérature prolétarienne. Et donc ça, c'était un livre très intéressant. Tu es aussi l'auteur d'un livre sur l'histoire de la littérature libertaire, donc des gens qui se disent anarchistes ou plus libertaires. C'est aussi un livre de référence très intéressant, ça je m'étais réédité, ça. Si, si. Ah si, il y a eu plusieurs éditions. Ouais. Voilà. À l'identique, hein, mais... Ouais, okay. Il est toujours dispo, sûr. D'accord. Alors c'était un peu la suite, puisque tu vas nous parler de Michel Aragon. Michel Aragon était l'auteur d'une histoire de la littérature prolétarienne. Et on peut dire que l'histoire de la littérature libertaire, c'est un peu le petit frère, ou je sais pas quoi, le petit-fils de ce bouquin, quoi, qui... Plus ils c'était tous les deux chez Albin Michel, si je me souviens bien. Que dire? Alors, bah, tu t'intéresses pas mal à la Suède. Je ne sais pas si tu as fait des voyages là-bas sur... Ah bah voilà, c'est pour ça qu'il y a de l'avocat. La Suède, des essais, Bon, et sinon, avant d'être écrivain, t'as écrit des articles dans le Monde Libertaire, dans plusieurs revues, et actuellement dans Fragant et dans une revue que je conseille, ça s'appelle Chronique Noir et Rouge, on a peut-être encore quelques exemplaires, qui est vraiment une vraie revue de critique. Quoi. C'est-à-dire que les bouquins, c'est pas de la critique de ça, c'est mon pote, je parle de son bouquin, c'est vraiment des analyses de fond, puis si le bouquin ne vous plaît pas, vous n'en parlez pas, et vous le démontez éventuellement, mais c'est pas de la complaisance, qui est quand même assez rare. Tu t'es occupé tu viens d'Arras et tu t'es occupé pendant des années d'un salon du livre à Arras qui se tenait le 1er mai. On était plusieurs d'ailleurs, mais monsieur Vincent était aussi dans le noyau. Vincent, là, qui est sur Marseille depuis quelques temps, mais qui vient de Lille, qui était animateur d'une maison d'édition qui s'appelait L'édition du Sansonnet. Et avec de la littérature prolétaire, enfin des choses très variées, des petits bouquins très intéressants aussi, qui ont été repris une partie par Chambortis, je crois, qui avait repris. Non. Et puis, que dire d'autre? La foire au livre, j'en ai parlé. Gna gna gna. Donc, aujourd'hui, tu vas nous présenter le bouquin qui est là, qui s'appelle Une rage de lire, qui parle de la genèse de. C'est pas une biographie de Michel Aragon, donc tu vas nous expliquer tout ça. Et je pense que tu as connu Michel Aragon. Tu as eu la chance de le présenter. À toi la parole. Bien. Tu parlais de Michel Aragon avec son histoire de la littérature prolétarienne. J'ai lu ce bouquin sur la littérature prolétarienne et parce que je m'intéressais en tant que militant anarchiste, j'ai toujours cherché des pistes de lecture, quoi lire. Et puis en tant que militant anarchiste contraint de gagner sa vie, comme tout le monde, je me suis toujours situé aussi plutôt dans le prolétariat que dans les couches dirigeantes. Donc quand je suis tombé sur l'histoire de la littérature libertaire par Michel Ragon, bien sûr, je... Prolétarien. Je suis. J'ai dévoré. Et quelque part, Michel Ragon, dans ce bouquin, dit... je vous présente plein d'auteurs, tout ça. Ils sont tous... dans le courant prolétarien, il y avait des gens qui étaient plutôt côté PC. Il y en a qui étaient... voire certains qui étaient plutôt... réac et tout ça, mais une grande majorité plutôt libertaire. Et Ragon dit, mais ceux qui sont spécifiquement libertaires à tout ça, je n'en parlerai pas trop, parce que la littérature libertaire mériterait toute une étude. Il écrit ça. Et moi qui étais jeune gamin, je lis ça et ça rebondit dessus. Bah, bien sûr, il y a une étude à faire sur les écrivains libertaires. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon histoire de la littérature libertaire, donc. Qui est sorti en 90, chez Michel, la même collection que l'histoire de la littérature prolétarienne de Ragon. Et quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai voulu, au départ, je voulais faire un catalogue simplement, un cours, une centaine de pages, un guide, un petit peu un guide de lecture, que lire quand on est anarchiste et qu'on cherche des pistes. Je voulais faire quelque chose de très succinct. Et de fil en aiguille, y avait des auteurs que je connaissais très bien, il y en avait que je connaissais pas du tout. J'ai essayé de tout lire de façon exhaustive sur tous les auteurs et de présenter leur vie et puis de présenter tous leurs bouquins par un. Enfin, quand j'ai commencé, je ne voyais pas du tout l'ampleur du travail. Hein. Ça m'a demandé 4 ans en fait, hein. 4 ans vraiment de travail, hein. un gros beau boulot. Déjà, il a fallu que je procure tous les bouquins que j'ai pu mentionner. Ça fait des centaines de titres que je les trouve, il n'y avait pas encore internet, il n'y avait pas que je les lise, et puis il y avait un certain nombre d'auteurs qui étaient morts. Je parle de Louise Michel, par exemple, dans ce livre, de Juvalès, je parle de Koulaï, beaucoup d'auteurs qui étaient morts, mais il y en avait encore pas mal qui étaient en vie. Je me suis dit, tous les auteurs vivants, j'ai fait en sorte de les rencontrer. Comme ça, ils vont me donner directement les renseignements dont j'ai besoin. La connaissance, c'est pas plus simple. Et donc, j'ai écrit tout bêtement tous ces auteurs. Alors, à l'époque, il y avait Bernard Thomas, par exemple, qui avait fait un bouquin sur Marius Alexandre Jacob, qui écrivait Au canard enchaîné. Il y avait Serge Livrosé, qui avait passé par la prison, et puis qui se revendiquait anarchiste. Il y avait un certain nombre d'auteurs, et il y avait Michel Ragon. Donc j'ai écrit tout simplement aux éditions Albin Michel, Monsieur Ragon, je vous ai lu, je fais un livre, comme vous m'en avez donné l'idée, sur la littérature libertaire, j'aimerais bien vous rencontrer. Et puis j'envoie ma lettre à l'éditeur, hein. Et puis 3 jours après, Michel Ragon m'appelle, en me disant, bah, Thierry Maricourt, si vous êtes sur Paris, si mon adresse, venez me voir, et puis on discutera. C'est parti comme ça. Alors moi, je suis allé, mettons, en 82, j'étais vraiment gamin. Là, je suis allé voir Michel Ragon. Alors, bien sûr, très impressionné, parce que moi, j'étais un gamin qui avait peu de choses, qui était en quête de savoir, hein, mais il manquait tout. Et puis, face à un bonhomme comme Michel Ragon, alors, qui était bien plus âgé que moi, il avait une quarantaine d'années de plus, et puis tout ce qu'il avait pu écrire, c'est impressionnant, Michel Ragon, quand on regarde son œuvre, l'amplitude, tous les sujets qu'il a pu traiter. Je suis allé voir et complètement intimidé, mais en même temps, quand il faut y aller. Et je l'ai interrogé. Et puis on est devenu très proche, plus qu'amis. Il y a eu une filiation qui s'est mise en place. Je reviendrai après, mais comme lui, il y a eu une filiation sur la littérature prolétarienne, le premier à en parler de façon hors parti communiste et hors écrivain populiste, Le premier à en parler, c'est Henri Poulaille, hein, qui a même monté un groupe prolétarien, qui a fait des revues autour de ça. Quand Michel Aragon est arrivé, je reviendrai dessus après, mais juste très rapidement, quand Michel Aragon est arrivé à Paris en 1945, il était gamin, il avait à peu près l'âge que j'avais moi, quand je l'ai rencontré après. Et la première porte à laquelle il allait frapper, c'était le bureau de directeur du service de presse d'édition Grasset de Henri Poulaille. Aragon est arrivé à Paris, il a directement été voir Henri Poulaille. Qui l'a pris, qui était un bonhomme ronchon, un sale caractère a priori, et puis en même temps un bonhomme extrêmement gentil, généreux, adorable, et qui l'a pris complètement sous son aile, en disant Michel, c'est très bien ce que tu fais ou ce que tu veux faire, et puis je t'offre, on va relancer une revue prolétarienne, si tu veux, je t'offre la direction de la revue, et puis tu ne vois pas, tu dis quoi avec. Michel Aragon dit oui et il est devenu un petit peu le fils spirituel de Poulaille. Quoi. Voilà. Et avec des années de distance, mais moi je le sens un petit peu comme le fils spirituel de Michel Aragon. Quoi. Quand il est mort en 2020, et j'ai vraiment eu l'impression de perdre mon père. Quoi. Pas mon père biologique, qui lui ne lisait pas, n'a pas trop. Enfin, m'a toujours conseillé de lire et d'écrire, mais sans lire lui-même. Mais Aragon, c'était. Il lisait, et puis c'était un puits de science. Quoi. Donc il a pu me guider aussi dans mon boulot après. Voilà, alors. Michel Aragon est né, je vais retracer un petit peu sa vie. Tout le monde a lu Aragon ici ? Non, un petit peu ? Oui, des choses. La mémoire des vaincus, tout au moins. Parce qu'il a écrit aussi énormément de choses. Alors, oui, c'est pas forcément tout lire. Alors, il est né en 1924 à Marseille. Et c'était un accident. Il est ici. Et il est ici parce que son père était militaire et il était de Vendée, Fontenay-le-Comte. Et il repartait pour ce qu'on appelait à l'époque la Couchinchine. Donc sa femme, la mère de Michel Aragon et le jeune Michel sont allés l'accompagner, enfin pas le jeune Michel, non, sa femme était enceinte. Et elle est accompagnée ici parce qu'il prenait le bateau pour aller en Couchinchine. Et puis elle a accouché ici. Voilà, donc Michel est né ici en 1924, mais tout de suite ils sont repartis à Fontenay-le-Comte. Elle était la maman de Michel Aragon a fait plein de petits boulots, mais notamment était gardienne de maison. Et puis toute sa famille paternelle et maternelle, c'était, il y avait une partie qui était paysanne, hein, des petits paysans, et puis l'autre partie qui était artisan dans la mégisserie, la tannerie, tout ce qui était commerce de peau, transformation de peau et toutes ces choses-là. Voilà son milieu d'origine, donc un milieu très, très modeste, un milieu dans lequel il n'y avait pas de bouquins, sinon la Bible, qu'on trouve partout, enfin qu'on trouvait partout, et puis, la presse locale, quoi, qui était équivalente à ce qu'elle est aujourd'hui, d'ailleurs, en plus grande quantité. Et Michel, tout petit, s'est senti intéressé par la chose écrite, hein, que ce soit la presse, que ce soit des bouquins, tout ce qu'il voyait écrit, il fallait qu'il lise, il fallait qu'il prenne entre les mains, il fallait qu'il dévore. Et d'ailleurs, c'est mon bouquin sur une rage de lire, le jeune Michel Aragon. J'ai voulu écrire non pas une biographie sur Michel Aragon, parce que là, c'était un travail énorme, et c'est pas ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Mais je voulais comprendre comment un gamin issu d'un milieu très modeste, un milieu dans lequel il n'y a pas de bouquin, il peut se dire tout petit, l'écrit va donner un sens à ma vie. Et je vais vivre autour de ça. Parce que pour lui, ça a été clair à l'âge où on commence à se poser les questions. C'est-à-dire, vraiment très jeune, 5-6 ans, il avait déjà ça en tête. Alors il a été à l'école des frères. à Fontenay-le-Comte en Vendée, parce que c'était la seule école où, voilà, où il pouvait aller. C'était un très bon élève, bien sûr, il adorait lire, il adorait écrire, donc il a toujours été très bon, enfin, tant qu'il est allé à l'école. Et les frères voulaient qu'il intègre leur congrégation et qu'il devienne, après, qu'il porte la robe et tout ça. Et Michel Aron, tout petit, enfin, à cet âge-là, dès qu'il a quitté l'école, il a dit non, je vais pas rentrer dans les ordres, je crois pas en Dieu, c'est pas du tout la vie que j'ai envie d'avoir. Il a dit non. Alors je dis ça parce qu'en fait, il va avoir dans sa la première partie de sa vie, jusqu'à ses 25 ans, quoi, jusqu'à ce qu'il publie Les Écrivains du Peuple, qui est son premier vrai livre. Avant, il avait publié quelques recueils de poésie, quoi. Des toutes petites choses. Mais son premier vrai livre, ça s'appelle Les Écrivains du Peuple. Jusqu'à ce moment-là, il a dit quatre fois non. Mais quatre noms très très forts qui l'impliquaient, qui ont vraiment déterminé sa vie. Alors, il a dit non une première fois donc aux frères de son école. C'était pas évident, parce que pour lui, c'était quand même une voie qui pouvait être tracée, vu le milieu d'où il venait et tout ça, c'était pas si mal. Enfin, je dis ça surtout par rapport à sa mère, qui voulait à tout prix qu'il sorte de la pauvreté. Michel Aron écrit quelque part, dans notre famille, on n'a jamais été dans la misère, mais on a toujours été dans la pauvreté. Il y avait une différence. Donc il n'a jamais eu faim, quoi. Il a toujours pu manger, tout ça, mais c'était vraiment le strict minimum. Première fois, il a dit non. À 14 ans, il a eu son certificat d'études. Et en fait, les études se sont arrêtées là pour lui, comme pour beaucoup de gamins de sa génération. Et sa mère a trouvé un emploi à Nantes, où elle est devenue gardienne d'immeuble. Il a suivi sa mère, il était fils unique. Il a suivi sa mère. Et là, il a fait toutes sortes de petits boulots, parce qu'il fallait qu'il gagne sa vie. Et notamment ce qu'on appelait saute-ruisseau à l'époque. Saute-ruisseau, c'était livreur. Aujourd'hui, on parlerait plus d'Uber, hein, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est un peu l'équivalent. Aussi mal payé, tout en bas d'échelle, homme ou jeune homme à tout faire, quoi. Et pour lui, ça a été fantastique en même temps. Alors, bien sûr, le boulot en lui-même, c'était pas très intéressant. Mais sauf qu'il est. Il venait de Fontenay-le-Comte, qui était une petite commune en Vendée, avec, je ne sais pas, à l'époque, il y avait 5000 habitants, tout le monde se connaissait, petite commune rurale aussi. Il arrive à Nantes, et pour lui, c'était la capitale, c'était une ville où il y avait tout, c'était une ville-monde pour lui. Donc, et en tant que saute-ruisseau, il s'est mis à arpenter Nantes, au début, il connaissait. Et à l'époque, il n'y avait pas de plan non plus, alors il se perdait pour trouver les rues, il demandait aux gens, ça lui a appris aussi à parler, à se renseigner. Et puis, il s'est rendu compte qu'à Nantes, il y avait des librairies, il y avait des bibliothèques paroissiales, il y avait des bibliothèques municipales, il y avait aussi des bibliothèques privées, et notamment toutes ces bibliothèques où ça. Des particuliers où sa mère allait faire le ménage, des gens donc qui l'embauchaient pour faire le ménage, parce qu'il avait un petit peu d'argent, en général, il y avait des belles bibliothèques, et lui, il suivait sa mère, et puis découvrait tous ses bouquins, et il lisait tout ce qui l'intéressait, il empruntait un bouquin de temps en temps à gauche à droite, qui en était en place après, mais il a eu la possibilité d'avoir tous les livres qu'il voulait pratiquement. Et il s'est mis à lire en quantité, enfin comme des autodidactes qui veulent. C'est Sartre qui se moquait un petit peu des autodidactes en disant ils commencent par la lettre A, et puis voilà. Ragon n'a pas fait pareil, il n'a pas commencé par la lettre A, mais il s'est mis à lire tout ce qu'il pouvait, et il s'est mis à tenir des petits carnets dans lesquels il notait ses lectures. Alors c'est intéressant parce que pour écrire ce bouquin, j'ai pu consulter ces carnets-là. La veuve de Michel Aragon, Françoise Aragon, qui est toujours en vie et bien en forme, bien qu'âgée, elle a mis tous les papiers de Michel Aragon à ma disposition, sa correspondance, plein de choses, mais aussi tous ces petits carnets-là que personne ne connaissait. Et il écrivait, depuis son plus jeune âge, il écrivait le titre du bouquin qu'il avait lu, l'auteur, et puis la date à laquelle il l'avait lu. Et quand on examine ça, on s'aperçoit de sa démarche autodidacte où il lisait. Alors, dans un premier temps, il a essayé de lire tous les petits classiques Larousse. Pour lire les grands anciens, enfin les auteurs grecs, les philosophes, tout ça, mais parallèlement, il lisait aussi tous les auteurs des années 20, 30, et puis bien sûr Zola, Hugo, Balzac, tous ces gens-là. Voilà, et puis de fil en aiguille, en consultant ses carnets, et qui je ne sais pas combien d'années ça couvre, mais ça couvre plusieurs dizaines d'années, donc il y avait une paire de petits carnets. On s'aperçoit qu'il commence à serrer ses lectures. Et au début, il lit un petit peu tout et n'importe quoi, et puis au fur et à mesure, il lit de plus en plus aussi des auteurs qui vont parler du milieu dans lequel il a baigné quand il était gamin, c'est-à-dire le monde du travail. Il les lit, alors c'est Ludovic Basset, c'est Émile Guillaumin, c'est Henri Poulaille aussi, c'est tous ces auteurs-là. Il les lit, et puis comme la plupart sont encore en vie, il correspond avec eux, il leur écrit. Mais comme un gamin peut écrire, en général, à un monsieur assez âgé, il y a des lettres où il commençait par « Cher maître, j'ai lu les patati », et puis, mais à chaque fois, avec des demandes de renseignements, il voulait précision, il voulait savoir ça, ça, ça, enfin. Ce qui fait que tous ces auteurs, ils sont pris d'affection pour lui. Qu'est-ce que c'est que ce gamin, on ne connaît pas, d'où vient-il, et puis il veut tout savoir, et puis c'est pas du vent, quoi, c'est pas juste je lis ça et j'oublie, et non, mais je lis ça, et puis je fais des liens avec d'autres lectures, et puis j'ai envie de faire des choses là-dedans. Ce qui fait que, voilà, et puis il travaille aussi, il trouve un poste à la préfecture de Nantes, alors il est toujours saute-frisson, il va livrer des papiers, des choses comme ça pour les uns et les autres. Et là, on lui propose même à un moment de devenir fonctionnaire. Voilà, sans diplôme et tout ça, mais alors ça, c'était à toute fin de la guerre. On lui propose de rentrer à la préfecture, donc en passant quelques concours, il pourrait devenir fonctionnaire. Alors sa mère, qui a ramé toute sa vie, pour elle, fonctionnaire, c'était l'idéal. C'était l'assurance d'avoir un salaire à vie, donc l'assurance d'avoir un logement, pas souffrir de la faim, ni du froid. Donc elle lui a dit, vas-y, tu ne vas pas refuser ça. Vas-y. Et puis, Michel Aragon, là, c'est la deuxième fois conséquente où il a dit non. Et là, il a dit non à sa mère, alors que tous les deux étaient très proches, mais ils s'aimaient beaucoup, il y avait une vraie relation. Il lui a dit non, c'est pas ce que j'ai envie de faire, j'ai plutôt envie de devenir fonctionnaire. Bon, elle a pris acte, hein. Voilà. Et là, Michel Aragon, il monte sur Nantes, il a aussi. Ah oui, alors, il est allé dans tous les lieux où il y avait des bouquins, mais il s'est arrêté aussi, il y a beaucoup de galeries de peinture à Nantes, et à chaque fois il s'arrêtait devant, il a regardé, et tout ce qui était peinture figurative, ça n'intéressait pas. C'était la vie d'un gamin, hein, mais Aragon a toujours fonctionné aussi à l'instinct. Il aimait, il n'aimait pas, ça le touchait, et si ça le touchait, il voulait en savoir plus. Et tout ce. Dans les galeries de peinture, il est tombé plusieurs fois en stupéfaction devant la peinture abstraite qui commençait. Et là, il a poussé la porte des galeries, il est rentré, il a regardé, tout ça, mais bien sûr, trois fois sur quatre, il se faisait mettre à la porte. Qu'est-ce que je venais faire un gamin dans un lieu où on vend des toiles? Et des toiles, c'est pas les prolos qui vont mettre ça chez eux, c'est des gens qui ont de l'argent, tout ça. Et lui, il est arrivé un peu débraillé, enfin. Il ne correspondait pas au profil des clients attendus, donc il se faisait jeter, mais il a toujours été très persévérant, donc il est retourné dans une autre, il est retourné et tout ça. Et c'est là qu'il a découvert la peinture abstraite, et il est devenu ami aussi avec des peintres, je pense à James Guittet, pardon, qui était un peintre abstrait sur Nantes. Et quand Guittet, qui a suivi un petit peu la même trajectoire que lui, mais Guittet dans la peinture, quand il est arrivé à Paris, vraiment au lendemain de la guerre, il s'est trouvé une petite chambre de bonne dans un quartier populaire de Paris, Et Ragon, quand il est arrivé à Paris, il est venu habiter chez James Guittet pendant un certain temps. Quoi. Ils ont cohabité dans la même mansarde un certain temps. Et puis donc là, à ce moment-là, Ragon à Paris, il va donc rencontrer Henri Poulaille, qui était l'incontournable de la littérature prolétarienne. Alors juste sur la littérature prolétarienne, pour faire court, mais à partir de la fin du 19e, avec les bourses du travail qui se sont créées, et puis avec l'instruction libre et obligatoire pour tous les enfants, il y a toute une frange de la population qui était exclue de l'écriture, de la lecture, qui s'est mise à lire. Les enfants d'ouvriers, les enfants de paysans. Ils se sont mis à lire et ils se sont mis à acquérir une, pas forcément toujours une conscience de classe, mais ils se sont aperçus qu'ils pouvaient écrire à leur tour. Ils se sont aperçus qu'ils avaient des choses à dire qui n'apparaissaient pas dans les livres qu'ils lisaient. La littérature jusqu'alors, c'était, même quand elle était bienveillante, je pense à quelqu'un comme Émile Zola, par exemple, que j'ai toujours beaucoup aimé. Quand j'étais gamin, j'ai lu beaucoup Zola et ça m'a aussi ouvert les yeux aussi sur un monde. Mais Zola était bienveillant avec le monde ouvrier ou le monde paysan, mais c'était en même temps un grand bourgeois. Il y avait aussi une grande distance par rapport aux gens qu'il allait mettre en scène. Et donc tous ces fils de prolo, quand ils sont allés à l'école, ils se sont mis à lire et à écrire, et ils ont produit des bouquins à leur tour. Ce qui fait que dans les années, au tout début du XXe siècle, il y a des écrivains qu'on peut qualifier de prolétariens qui sont arrivés quand même en nombre en France. Et en 17, il y a eu la révolution soviétique. Et là, à partir de les années 20, les années 30, il y a eu trois écoles qui se sont confrontées sur la littérature prolétarienne. La première, peut-être historiquement, c'est ce qu'on appelle le populisme, avec des gens comme André Terrive, Léon Lemonnier, qui étaient des bourgeois, mais qui ont mis en scène dans leurs romans des petites gens, et donc ont créé ce qu'ils appellent l'école populiste. Peut-être. Vas-y. C'est un mot là-dessus. C'est d'abord l'éditeur Hachette qui crée ses collections populaires à 1 franc le bouquin et qui veut vendre en grande masse. Et c'est ça qui va aussi susciter des auteurs qui vont rencontrer la place que l'éditeur a faite, les grandes maisons. Oui, tout à fait. Hachette n'est pas pour rien dans chez les populistes. Je ne vais pas trop parler des éditeurs, parce que c'est un plan d'or, et puis après, il y a plein d'éditeurs qui sont rentrés justement un nouveau créneau qui se mettait en place. Et puis, il y avait ces gens-là, il y a toujours un prix populiste qui existe, qui est décerné tous les ans, et qui part de là, quoi. Il y a eu des très bons auteurs de ce côté-là. Carco, il fait partie de ce mouvement. Oui, enfin, Carco, c'est pas un prolétarien, même si. Parce qu'il parle pas du prolétarien, il parle plutôt de la paix. Après, il y a eu une autre école qui s'est créée, c'est ce qu'on a appelé l'AEAR, l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires. Là, c'était directement impulsé par le Parti communiste, et donc par Moscou, il y a des liens très forts qui les unissaient. Et là, l'objectif, c'était de doter la classe ouvrière d'une culture propre, d'une culture spécifique, mais sous l'égide de Moscou. Il fallait mettre en scène un prolétariat propre sur lui. Enfin, comme on voit dans les affiches, enfin, toute la... Réalisme soviétique, mais en littérature. Comment ? C'était le réalisme soviétique, mais en littérature. Oui, voilà. Comme on voit dans toute cette iconographie des ouvriers blonds, très costauds, avec la femme qui est à côté, les enfants derrière, et puis au fond, il y a un soleil qui illumine tout ça. C'est le réalisme soviétique. C'est pas très loin de ce que les nazis ont mis en place aussi en Allemagne. Hein. C'est le même profil, le surhomme. Sauf que là, il était censé être au service de la classe laborieuse, sous l'égide de Moscou. Et puis, donc, il y a une troisième école, entre guillemets, parce que Poulain n'a jamais voulu utiliser ce mot d'école, parce que pour lui, c'était dogmatique. Il appelait ça le groupe prolétarien, et qui correspondait beaucoup plus à tous ces auteurs qui se sont retrouvés dans cette littérature, des gens qui, pour la plupart, étaient soit issus ou soit toujours dans le prolétariat. Prolétariat, c'était ouvrier d'usine, c'était paysan, ça pouvait être aussi maître d'école, tous les services. Enfin. Et tous ces gens-là, de par leur démarche, même s'ils n'étaient pas libertaires au départ, ils le sont devenus en écrivant. Parce que leur démarche, c'était de dire je reste pas au bas de l'échelle parce qu'on m'y assigne, je m'accapare le savoir, et avec ce savoir, je vais essayer de transmettre et de changer le monde. La démarche en soi, pour moi, elle est libertaire. Après, il y en a qui l'ont clairement affiché, il y en a qui l'ont moins affiché, ça dépend des gens, mais voilà. Et tous ces gens-là, ça a donné donc le groupe prolétarien autour de Poulaille. Poulaille, c'est vraiment lui qui a été la cheville ouvrière, c'est vraiment très de dire, de ce milieu-là. Poulaille, qui lui-même, fils de charpentier et de canneuse de chaises, il s'est retrouvé orphelin à 13 ans. Donc a travaillé à 13 ans, il a été lui aussi saut de cuisseau, il a fait plein de petits métiers, il était vendeur de livres sur les quais aussi, en pianiste, voilà, il a fait plein de choses. Et puis, par un concours de circonstances, tout ça, il a rencontré Bernard Grasset, qui était un très grand nom de l'édition, qui est toujours un grand nom, l'édition Grasset, ça existe toujours, mais à l'époque, c'était vraiment le début, tu parlais d'Hachette, mais c'était aussi ces années 20, 30, tout ça, c'était le début de l'édition de masse aussi, hein, avec des éditeurs qui vendaient des bouquins un peu comme ils auraient vendu la lessive ou autre chose. Il y a Bernard Grasset qui est complètement dans cette façon de fonctionner. Il y a eu aussi de Noël après, enfin, il y a eu un certain nombre d'éditeurs. Et voilà, Poulain s'est retrouvé face à Grasset. Et le profil de Poulain correspondait pour être directeur du service de presse. Poulain, il adorait le bouquin, il connaissait les gens un peu partout dans le milieu, tout ça. Et Bernard Grasset dit à Poulain, je vous embauche le 1er mai 1932, peut-être, quelque chose comme ça. Et Poulain, il dit, je veux bien t'embaucher, mais je viendrai le 2 mai. Pas le 1er, bon. Grasset a quand même accepté. Hein. Et Poulaille est devenu donc directeur du service de presse. Alors c'était un poste très stratégique, ça, pour Poulaille, parce que... Alors, chez Grasset, à l'époque, il y avait des écrivains... des écrivains réac, des écrivains... enfin, toutes sortes d'écrivains, mais ce qu'ils voulaient, c'était vendre des bouquins. Et puis aussi, Genoux a commencé, là, par exemple. Hein, parce que Poulaille a lui ouvert les portes, aussi. Voilà, Poulain a fait venir à lui toute une écurie, entre guillemets, mais d'auteurs prolétariens. Alors que Grasset a publié, ou que quand Grasset ne voulait pas les publier, Poulain les renvoyait ailleurs, va voir tel éditeur, il va te publier. Voilà. Il y a vraiment. Et Poulain a aussi mis en place des revues pour donner une expression à cette littérature prolétarienne. Et c'est en 1930 qu'il publie aussi un ouvrage qui est un peu un manifeste, Nouvel âge littéraire, dans lequel il recense tous les écrivains qui s'inscrivent dans cette littérature prolétarienne de France et l'étranger. Voilà. En France, la littérature prolétarienne a été très vivante dans les années 30, mais ça n'a jamais été plus loin, ça n'a jamais été aussi loin que Poulaille le souhaitait. Poulaille voulait vraiment que ça soit une littérature faite par le peuple, pour le peuple. En fait, ça n'a jamais marché, ça. Le peuple a toujours lu autre chose, mais pas cette littérature-là. Mais il y avait quand même, Poulaille a toujours eu ce souhait de gagner des lecteurs et d'élargir. Il y a eu d'autres pays où ça a beaucoup mieux fonctionné, je pense à la Suède notamment, où la candidature prolétarienne là-bas a vraiment une reconnaissance officielle, au point qu'il y a eu deux écrivains prolétariens qui ont eu le prix Nobel en 1974, hein. Harry Martinson et Evin Hansson, conjointement prix Nobel en 1974, tous les deux, qui viennent du milieu prolétarien. En France, c'est zéro. Hein. Et c'est sûrement pas Annie Ernaux qui prouverait le contraire, hein. Sûrement pas. Voilà. Et donc, Michel Ragon, quand il arrive à Paris en 1945, il va voir Poulain, qui l'accueille et tout ça très généreusement, qui l'invite même à manger chez lui, qui lui fait rencontrer ses enfants, vraiment comme un père pourrait faire, quoi, un père spirituel. Et là, Poulain Ragon joue le jeu à un moment, il devient directeur d'une revue prolétarienne, il publie lui-même son premier ouvrage, bon, c'est L'écrivain du peuple, dans lequel il fait le boulot qu'Henri Poulain avait fait auparavant, mais en le réactualisant et en donnant aussi de nouvelles ouvertures. Et puis, il publie Drôle de métier. Un drôle de métier, c'est présenté comme un roman, mais c'est pas un roman, c'est un récit plutôt, dans lequel il raconte toutes ces expériences de petits boulots, d'autodidacte, qui fait tous les petits boulots possibles pour pouvoir écrire. Parce que son but, hein, ça a toujours été de pouvoir écrire. Ça a toujours été de vivre de sa plume. Voilà, donc il bifurque autant que nécessaire, mais avec toujours cette idée en tête. Il publie Drôle de métier, et puis plus tard après, il publie Drôle de voyage, parce que ces drôles de métier l'ont aussi amené à faire de drôles de voyage un peu partout en Europe et dans le monde. Il y raconte ça, voilà. Et il devient aussi, à cette époque, alors là, c'est à partir de 48, 50, ces années-là, sa passion pour l'art abstrait continue, et il se met à écrire sur tous les peintres abstraits. Ils ont tous démarré dans cette période-là, Soulages, Poznikov, tous ces gens-là, c'est après-guerre. Il les rencontre, et il écrit sur eux. C'est le premier à écrire sur eux. Alors, parce que personne n'est peintre abstrait au début, comme les impressionnistes en leur temps ou d'autres, hein, ils étaient rejetés, ils disaient, on ne les comprenait pas, c'est des gribouillis, c'était la remarque un petit peu de. Qu'on dit toujours pour rigoler, mais mon enfant pourrait faire du Picasso, enfin, c'était une remarque comme ça. Et Ragon lui a pris ça très au sérieux, ça a été le premier à parler vraiment de ces peintres-là. Et il est rentré dans une revue consacrée à l'art abstrait qui s'appelait Simez, dans laquelle il a beaucoup écrit et dans laquelle il a vraiment défendu tous ces artistes. Mais alors c'était très sérieux parce qu'il y avait les expositions, les vernissages, toutes ces choses-là, et lui était là partout. Mais il était là toujours. Gamin avait un petit peu grandi, mais il restait gamin. C'est pas un monsieur cravaté qui faisait sérieux, universitaire et tout ça, pas du tout. Et il défendait à sa façon tous ses peintres. Ce qui fait que tous ses peintres, en reconnaissance, lui ont donné des toiles. Et quand on va chez Michel Ragon aujourd'hui, chez sa veuve aujourd'hui, mais moi, la première fois que j'allais chez eux, donc dans les années 80, à Paris, près des grands boulevards, hein, place entre Paris, enfin du Grand Rex. Ça donne pas d'adresse, il va se faire cambrioler. Justement, quand je suis allé chez lui, il y avait des toiles partout de tous ces peintres-là sur les murs, et une fois, il a été cambriolé par des montants l'air, ce qu'on appelle montants l'air, hein, des cambrioleurs qui montent sur les toits, tout ça, parce qu'il habite au cinquième étage quand même, et qui ont réussi à s'introduire chez lui. Et ils ont volé, je crois, 2-3 carnets de timbres et une petite boîte avec les bijoux de sa femme, des bijoux sans valeur, pas des bijoux affectifs. Voilà, ils sont partis avec ça. et pas le tableau. Alors qu'il y avait des toiles partout au mur, la moindre toile, c'est un gros truc, un prix fou, mais c'était des voleurs incultes. Ça arrive. Ça arrive, et tant mieux pour lui. Voilà, mais donc il y a tout ça. Et puis, je raconte ça aussi parce que là, ça a été. Alors, Ragon a dit une première fois non aux frères de son école religieuse. Il a dit une deuxième fois non à sa mère qui voulait le voir devenir fonctionnaire. Et là, quand il est vraiment rentré dans l'art abstrait, enfin, qu'il est devenu un critique. C'était le critique de l'art abstrait à l'époque, hein, le plus reconnu. Il avait écrit énormément de bouquins sur tous ces peintres-là. Hein. Poulain, il n'a pas supporté. Henri Poulain, il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces artistes que tu fréquentes? C'est tous des bourgeois. Alors, il y en a peut-être un qui vient d'un milieu ouvrier, mais tu vois bien qu'il a renié sa classe. Les vrais peintres, c'est pas ça. C'est figuratif, forcément. Et Poulain, c'est vraiment... Poulain, ça... Il s'est fâché. Et il a presque renié, quoi. Je peux te voir, tout ça. Enfin, ça c'est vraiment... Ils se sont engueulés méchamment. Donc, c'était 48, mettons, quelque chose comme ça. Et puis, ça a duré jusqu'à 74, où... Michel Ragon a republié une histoire de la littérature prolétarienne augmentée, voilà, le bouquin qu'on connaît chez Alain Michel, qui a été encore après réédité et puis augmenté. Mais il a sorti, enfin cette version-là est sortie en 1974, et Poulaille, quand il a vu ça, Poulaille qui était bien malade, il est mort en 1980, Poulaille. Ragon est allé le voir, là, ils se sont réconciliés, tout ça. En fait, ils étaient enfin, sur les mêmes bases, les mêmes. Voilà, ils étaient anarchistes l'un et l'autre, toujours attachés à la littérature prolétarienne. Et bien sûr, Poulaille avait fait sa vie, et puis Michel Ragon a fait la sienne, et il y a forcément des divergences à un moment. Voilà. Et donc, ça a été la troisième personne d'importance pour Michel Ragon à qui il a su dire non. Parce qu'il aurait pu dire, bon bah, comme dit Poulaille, je vais écrire de la littérature strictement prolétarienne toute ma vie, et puis point. Mais il n'a pas voulu, il y avait d'autres centres d'intérêt. Voilà. Et puis, dans ces années-là aussi, Ragon a sympathisé avec un vieux monsieur qui s'appelle Édouard d'Orléans, qui était un universitaire, et c'était le premier en tant qu'universitaire à s'intéresser au monde du travail. Il a écrit sur Proudhon, mais il a écrit aussi sur les bourses du travail, il a écrit sur le mouvement ouvrier. Et quand Ragon et d'Orléans se sont rencontrés, forcément, le courant est passé, parce que l'un était un vieux monsieur universitaire, mais l'autre, s'il n'avait pas de diplôme, il avait tout dans sa tête, une somme de connaissances inouïes. Et d'Orléans lui a dit, écoute, mon petit gars, t'as pas de diplôme, t'as rien, tu vas galérer une bonne partie de ta vie, moi je te propose de devenir, de rentrer à l'université. Voilà, je vais t'ouvrir des portes, je vais te donner un coup de main, et puis en quelques temps, tu pourras enseigner à ton tour. Voilà. Ce qui est pas mal aussi, ça. C'est pas une bonne planque aussi. Et d'Orléans se posait un petit peu comme le grand-père, hein, il y a une grande différence entre eux, comme le grand-père de Ragon. Et Ragon lui a dit non. Quatrième fois où il a dit non, pour la partie de sa vie, et non à chaque fois des gens importants qui lui voulaient du bien, tous. Il a dit non, moi c'est pas ce que je veux, je ne veux pas faire une carrière universitaire, ça ne m'intéresse pas, je suis un autodidacte et je vais me débrouiller autrement. Voilà, donc ils se sont aussi un peu froissés, et jusqu'au moment où Ragon a sorti donc Drôle de métier, que d'Orléans a lu, et là il a dit, bon, effectivement, j'ai rien à te dire, c'est un livre remarquable, tu parles de tes expériences professionnelles, et tu arrives à en parler en touchant le lecteur, tu arrives aussi à en parler avec beaucoup d'humour, et bien continue comme ça. Je ne sais pas s'il a dit ça exactement pour moi, mais continue comme ça, tu y arriveras. Voilà. Et c'est ce qu'a fait Ragon. Voilà. Après, Ragon s'est intéressé à plein d'autres sujets. Enfin, Ragon, c'est vraiment l'autodidacte. Il ne s'est pas intéressé à tout, il ne va pas s'intéresser à tout, mais tout ce à quoi il s'est intéressé, il a voulu connaître le sujet de A à Z. Et à chaque fois, il est devenu le spécialiste du sujet. Et il s'est intéressé, donc après l'art abstrait, la littérature prolétarienne, l'art abstrait, il s'est intéressé à l'urbanisme et l'architecture, sur le sujet sur lequel il a publié plusieurs bouquins, ça, un grand nombre de bouquins, et notamment trois volumes, l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme moderne, qui sont toujours disponibles en point seuil, trois volumes copieux, et qui sont toujours enseignés dans les écoles d'architecture aujourd'hui. Enfin, c'est une référence dans ce milieu-là. Quoi. Comme quoi, quand il s'intéressait à un sujet, il le maîtrisait complètement. Voilà. Après, il s'est intéressé, tout à l'heure on parlait de facture cheval, de fabuloserie, toutes ces choses-là, tout ce qui était plus art brut, voilà, où, je pense à Chessac, Dubuffet, tous ces gens-là, sur lesquels il a écrit, il y a plein de bouquins aussi de ce côté-là. Il s'est aussi beaucoup intéressé au dessin d'humour, dessin satirique, quand il y a eu la tuerie à Charlie Hebdo, forcément, il connaissait un peu tout le monde dans l'équipe, il était forcément, enfin, comme nous tous, je pense, l'animé. Voilà, c'était un bonhomme avec un savoir considérable. Et puis, oui, et puis, ça, c'est toute sa vie jusqu'aux années 80. Il est né en 24. Hein. Ce qui fait jusqu'à quasiment la soixantaine. Normalement, enfin, financièrement, ça allait, mais en galérant, quoi. C'était toujours ric-rac et tout ça. Heureusement que sa femme avait un boulot fixe et pouvait assurer, mais ça, c'est les femmes d'artistes, hein, aussi, des fois, qui sont bien plus importantes. On les oublie après, mais elles ont souvent un rôle très important. Et son premier succès littéraire, il est venu à ce moment-là, quand il avait donc pratiquement 60 ans, où là, il a pu gagner un peu d'argent, vivre vraiment sa plume, et puis après, ça a continué jusqu'à sa mort, quand il a publié L'accent de ma mère. Alors, L'accent de ma mère, le titre dit tout en même temps. Sa mère a toujours aimé lire, mais elle lisait ce qu'elle avait fait trouver. Enfin, c'était pas du tout ce que disait Michel Ragon, hein, c'est tout après. Et puis quand Michel Ragon lui envoyait ses bouquins, sa mère était contente, mais c'était un milieu de sa culture à elle. Et puis, quand il lui parlait de ses amis écrivains, donc ses amis peintres et tout ça, là, elle comprenait plus, c'était quand même vraiment un autre monde. Mais Michel Ragon, comme il la voyait régulièrement, il s'écrivait aussi beaucoup de lettres et tout ça, il n'avait jamais fait attention que sa mère était vendéenne et qu'elle avait un accent. Et un jour, elle l'appelle et en entendant sa voix au téléphone, il se rend compte que voilà, l'accent de ma mère. Le titre vient comme ça. Et là, il s'est dit, il y a toute une culture, il y a tout un monde qui est en train de disparaître. C'est les années 80, la paysannerie, bon, il y avait déjà eu le roman de roman, voilà. Peu avant, enfin, à partir des années 60, le monde paysan complètement en dislocation, en disparition, et il s'est dit, il y a vraiment quelque chose. Alors il a écrit L'action de ma mère, enfin il y a eu plusieurs versions. La première version, il a raconté un petit peu la généalogie de sa famille et de sa mère, et en fait aussi de son père, et puis tout le milieu de Fontenay-le-Comte et tout ça. C'est ressorti aussitôt en collection Terre humaine chez Plon, plutôt une collection d'ethnographie, d'ethnologie, sous la direction de Jean Mallory. Enfin, c'est une collection extrêmement prestigieuse, mais pas là où on attendait Michel Plon au départ. Il était quand même a priori un écrivain prolétarien, après un critique d'art, et puis là, il rentre carrément dans la cour des ethnologues, ethnographes. C'est un bouquin, je l'avais lu à l'époque, je l'ai relu récemment pour faire mon livre sur lui, une mine de renseignements sur le peuple. C'est un mot qui n'aime pas tellement le peuple, mais j'emploie quand même le peuple du début du XXe siècle, enfin fin du XIXe, tout le début jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et tout un monde disparu. Donc il a écrit ce livre, là ça lui a donné vraiment une vraie reconnaissance publique. Un peu après, il publie Ma sœur aux yeux d'Asie. Parce que Ragon s'est aperçu que, contrairement à ce qu'on dit dans sa famille et tout ça, son père, donc, qui était militaire et qui a passé une bonne partie de sa carrière en Asie, en ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indochine, qu'il avait eu un enfant là-bas, une fille. Et donc lui, Michel Ragon, avait une demi-sœur. Et il a essayé de retrouver ses traces et tout ça. Enfin, il l'a rencontré parce que le père était venu avec la demi-sœur en France. Voilà, finalement, la mère de Michel Ragon s'en est un petit peu occupée. Mais, elle avait très tirée, tout ça, dans la Vendée de ces années-là, ça passait pas très bien. Alors, c'était une bâtarde, en fait, qui considérait comme ça. Donc, asiatique, un peu mise à l'écart, quoi. Et puis quand le père est mort, là, elle a été livrée à elle-même. Et puis elle est morte dans un sanatorium en banlieue parisienne en 43. Quoi. Et Michel Ragon a essayé de retrouver sa trace, a essayé de retrouver qui elle était. Et il a écrit ce bouquin, La science d'une Asie. Alors il a écrit, quand on le lit, c'est une correspondance que le père de Michel, le père de cette jeune fille, écrivait à sa femme. Il lui racontait sa vie quotidienne de soldat. Et quand on lit ça, on est complètement pris dedans, et tout ça, avec des détails, on se dit il faut l'avoir vécu pour avoir autant de détails sous la main, pour raconter des choses aussi précises. Et tout à la fin, Michel précise, en fait, ces lettres n'ont jamais existé, j'ai les toutes inventées. Et quand on referme le livre, en général, on oublie cette petite phrase, cette vérité qu'il lâche à la fin, on l'oublie et on est persuadé que le livre, c'est des lettres. C'est vraiment des lettres qui les a recopiées telles quelles. En modifiant l'orthographe quand c'était nécessaire, ou certaines phrases, mais voilà que. Et pas du tout. Et. Après ça, Michel Ragon, c'est aussi. Là, ça lui a donné aussi l'envie de raconter de là où il venait. Voilà, donc la Vendée. La Vendée, sur la région sur laquelle on a dit tout et son contraire, avec un grand fou qui. Un grand fou qui a travaillé plus du fou, voilà. Et qui. Écoutez, la Vendée a toujours été. Du roi, le roi, le Christ et tout ça, vendait à l'actionnaire et tout ça. Et Michel Ragon s'est aperçu que c'était pas ça du tout. La vérité historique, c'était pas ça. Et là, il a écrit donc les mouchoirs rouges de Cholet, là, qui a été un grand succès public. Ça a été repris en poche, ça a été repris en club. Voilà. Les mouchoirs rouges de Cholet, la Louve de Mervan, il fait suite. Voilà, le marin des sables aussi, un autre versant. Voilà, des bouquins qui ont extrêmement bien marché. Et il parle des guerres de Vendée, hein, 1793, tout ça, les périodes infernales, toutes ces choses-là. Et là, Philippe de Villiers et tous ces gens-là, enfin l'extrême droite, en gros, l'extrême droite catholique, s'est dit, c'est bien ça, on parle de la Vendée. On parle de nous, on parle de la répression que les républicains ont menée en Vendée, et tout ça. Ça, c'était avant de lire les bouquins. Parce qu'effectivement, Aragon a abordé des thèmes qui n'étaient pas abordés par les écrivains, d'une façon générale, et puis sur lesquels les historiens, comme Michelet ou d'autres, sont passés rapidement et ont été assez caricaturaux. Voilà. L'abordé, pour beaucoup, c'était un foyer de contre-révolutionnaires. Et en fait, c'était pas ça. Donc Rameau a bossé dessus. Et pour lui, la Vendée de cette époque-là, c'était les paysans qui se sont élevés, un petit peu comme le mouvement des Gilets jaunes, quoi, récemment. Des gens qui étaient en bas d'échelle sociale, qui trimaient pour survivre, pas pour vivre, mais pour survivre. Et puis, un jour, il y a la République qui a décrété que tel champ il appartenait à un tel et puis l'autre à tel autre, et tout ça. Enfin, qui a tout divisé, qui a tout remettre en place. Et les paysans se sont révoltés contre ça. Ils ne sont pas révoltés contre la République. C'est pas contre la conscription, c'est contre la conscription aussi. C'était plus un documentaire là, qu'il a fait avant, je ne sais plus comment il s'appelle, où vraiment, là, on s'aperçoit que les Vendéens, c'est pas des royalistes. Il y avait peut-être des royalistes qui les dirigeaient et tout ça, mais c'est vraiment le peuple qui voulait pas aller se battre, qui voulait pas aller à la guerre. Quoi. Et par contre, il fallait qu'ils nourrissent son foyer. Ouais. Parce que c'était des prolos et qu'ils pouvaient pas partir à la guerre. Mais toute proportion gardée, il s'est produit un petit peu la même chose en 1942 avec le STO, où on a demandé à des jeunes de partir. Alors le STO, c'était clairement pour rejoindre le camp nazi, mais s'il y a eu autant de désertions à l'époque, et ça a aussi créé les maquis et toutes ces choses-là, mais c'est aussi parce que tous les jeunes qui étaient censés partir au STO, il y en avait qu'il fallait qu'ils bossent aussi pour leur famille. Ils ne pouvaient pas tout simplement. Ça a été, enfin, toute proportion gardée, mais ça a été même cas de figure. Et Aragon, là, ça. Il y a eu une tentative de récupération par l'extrême droite, mais Aragon a toujours été clair. Je me souviens, j'avais interviewé, quand il avait publié Les Mouchoirs aux yeux chaudés, j'avais interviewé pour Le Monde Libertaire, où il expliquait, ce que je viens de dire, mais en beaucoup mieux, toutes ces raisons qu'il avait incité à écrire sur la Vendée. Et puis, à l'époque, alors moi je fais une comparaison avec les Gilets jaunes, mais lui, à l'époque, en 80, il m'avait fait une comparaison avec Action Directe. En disant ces gens finalement qui se lèvent contre le pouvoir et qui sont réprimés, alors pour ce sont dans le jeu, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est pas, même si on n'est pas d'accord sur leur façon de faire et tout ça, mais c'est un peu comme Action Directe aujourd'hui, c'est pas des fascistes. Voilà, c'est pas parce qu'ils se lèvent contre un pouvoir, en 80, 81, c'était le pouvoir de Mitterrand, c'est pas parce qu'on se lève contre ça qu'on est forcément de l'autre côté, quoi. Il y a plein de nuances à mettre là. Voilà, donc il a. Encore aujourd'hui, Rameau, il a parfois une image, il a rattaché à Philippe de Villiers et tout ça, qui est complètement faux. Il n'a jamais été ami avec Philippe de Villiers. Enfin, et quand il l'a rencontré, c'était dans les salons du livre, il y a une photo où il serre la main à Philippe de Villiers. Mais quand on est dans un salon du livre, il y a tous les officiels qui débarquent et tout ça devant les écrivains. C'est pas évident de dire quoi je te serre la main, quoi je te serre pas la main. T'es pris aussi, des deux là à être ami avec, c'est autre chose. Il n'y a pas un journal où il y a eu un dialogue entre eux? Non. Non, dans VSD, je ne sais pas quoi. Non. Bon, alors j'ai rêvé. Leur relation, ça a été très très. Très stouté. Ouais, c'était ça. Ouais. Voilà, et Aragon, après, il a écrit encore d'autres choses. Je pense à un roman, Le Prisonnier, par exemple, qui raconte la vie d'un bête nu. Oui, je pense aussi. Il a écrit encore d'autres choses après sur le monde paysan, La Ferme d'en haut, par exemple, sur. L'histoire de racisme, finalement, une jeune femme noire qui va dans une ferme en Vendée, et puis comment elle est accueillie. L'histoire de racisme, enfin de féminisme et de racisme bien avant l'heure, parce qu'aujourd'hui c'est des sujets qui sont traités et retraités dans les littératures, mais à l'époque c'était encore peu courant. voilà, il a, bon, les Coquelicots sont revenus, qui est aussi un superbe bouquin sur le monde paysan, avec les restructurations, avec la FNSEA derrière et tout ça, avec les gros exploitants qui sont plus du tout des paysans, qui sont qui bossent sur un écran, qui sont subventionnés, son subvention n'existe plus, enfin, toute cette fin de la paysannerie traditionnelle. Voilà. Bon, votre cœur. C'était quand ça? De quoi? Les Coquelicots sont venus? Oui. Bah, ça, c'est la fin des années 90. Ah, oui. De publication de ces bouquins. Voilà. Sinon, on est aussi droit ici. C'est pas un lieu tout à fait anodin. Je dis ça parce que. Pour dire quelques mots sur les relations de Michel Aragon avec le mouvement libertaire, avec l'anarchie. Ça aussi. Alors Michel Aragon, c'était quelqu'un qui fonctionnait à l'instinct. Il y a des choses qu'il n'aimait pas, des choses qu'il aimait bien, tout ça. C'était aussi quelqu'un qui était très fidèle. Et fidèle dans ses idées. Les idées qu'il avait gamin, il les a conservées. Alors, comme tous, gamin, des fois, on veut plein de choses, et puis après, la vie a fait que. On en veut un petit peu moins, ou on va demander autrement, mais il est assez fidèle à ses idées du début, et notamment cette idée anarchiste. Alors quand il est arrivé à Paris en 1945, donc il a été reçu par Poulaille très gentiment, mais Poulaille, lui, il s'est toujours affirmé anarchiste. Ça a toujours été très clair. Le père de Henri Poulaille, donc charpentier, il était anarcho-syndicaliste à l'époque, il est mort en 1910 ou 1913, ça voulait dire des choses, c'était quand même un engagement très fort. Et chez lui, chez eux, il y avait une grande malle, j'imagine une grande malle noire, parce que j'en ai une comme ça chez moi, alors j'avais bien faire l'affaire, et une grande malle dans laquelle il rangeait les bouquins. Alors il y avait dedans Reclus, Louise Michel, Vallès, Proudhon, Malato, enfin tous ces auteurs-là, mais les enfants n'avaient pas le droit d'ouvrir la malle. Le père anarchiste qui disait ça à ses enfants, parce que les bouquins, on ne sait pas ce que ça peut donner sur les enfants. Comme quoi, on peut être anarchiste des fois et puis dire des bêtises. Ça n'empêche pas. Et toujours est-il que bah, forcément, si un enfant, on lui dit, il ne faut pas que tu regardes cette malle, surtout tu ne l'ouvres pas. Il va l'ouvrir, des copains ils tournent le dos, il va l'ouvrir. Et donc, les premières lectures de Poulaille, ça a été toute cette littérature anarchiste. Et Poulaille, c'est toujours reconnu dedans. Quand Aragon arrive à Paris, donc rencontre avec Poulaille, et tous deux, ils s'entendent bien et tout ça, et Poulaille lui dit, bah, viens, je vais te présenter mes amis. Ses amis, c'était pas M. Grasset et tous ces écrivains qui se la jouaient et tout ça. Donc, c'était des écrivains prolétariens, donc qui étaient quand même tous en mode plus ou moins libertaires. Et puis, c'était tous les militants anarchistes de l'époque. Alors, Aragon fait connaissance avec, par exemple, Henri Joyeux. Henri Joyeux qui a essayé là, qui était en plein boulot pour reconstruire une fédération libertaire, une fédération anarchiste. Voilà, Maurice Joyeux, Suzy Chevet, sa compagne. Voilà, Aragon, il a tout de suite sympathisé avec eux. Il a sympathisé avec Armand Robin, par exemple, poète, libertaire, traducteur aussi. Robin parlait je ne sais plus combien de langues, 25 langues ou quelque chose comme ça. Il les lisait, il comprenait pas. Ouais. Il les parlait pas, il comprenait. Il lisait, il comprenait, il faisait des bulletins de traduction, voilà. Alors une vie un peu sulfureuse aussi, comme le veut l'époque. Enfin, tout le monde n'est pas 100% blanc ou noir, quoi. Des fois, il faut passer entre les gouttes, et Robin, ça a été son cas. Mais Robin s'est toujours retrouvé un mouvement libertaire. Il s'est devenu un grand ami de Aragon. Je pense aussi à Louis Lecoing. Louis Lecoing qui est un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui est quand même à l'initiative de la loi sur l'objection de conscience. Hein. Et puis avant cette loi qui date de 1971, si je ne dis pas de bêtises, il a eu toute sa vie un parcours de militant libertaire. Ça a été le Français, après Blanqui, à faire le plus de prisons politiques en France, le coin. Pour ses idées. Ça a été, c'est devenu un grand ami de Ragon. Je pense aussi à Pierre-Valentin Berthier, qui est oublié aujourd'hui, mais qui était un militant anarchiste, qui a écrit des bouquins aussi. Pierre-Valentin Berthier, par ailleurs, il était libraire. C'est fou, mais on trouve plein d'anarchistes chez les libraires. Ou on trouve plein de libraires chez les anarchistes. Les métiers du livre, il y a souvent des gens qui pensent pas comme il faut. Pierre-Valentin Berthier était anarchiste et il avait ouvert une librairie, mais comme c'est très dur de vivre du métier de libraire, il fallait qu'il fasse un autre boulot à côté, et donc il a embauché Michel Ragon pour tenir la librairie. Mon ami, quoi. Ragon a toujours été ami, mais ami proche avec tous ces militants libertaires, quoi. Je pense aussi à Leval, Gaston Leval, qui a été un grand militant libertaire aussi, qui va être mort en 70 ou ces années-là. Voilà, ça a été vraiment sa famille. Quand il est arrivé à Paris, sa famille d'adoption, ça a été le mouvement libertaire. C'est, voilà. Et il s'est senti très bien, il a été très bien accueilli. On est parfois un peu chichement. Mais voilà, tout ce que les gens avaient ou n'avaient pas, ils mettaient à sa disposition. Et il est resté fidèle toute sa vie à ce milieu. L'autre jour, j'ai recherché, j'étais avec Françoise, sa dame, j'ai recherché des articles dans les journaux pour un article à écrire, tout ça. Et on se demandait dans quel journaux il avait écrit. Il a écrit dans Le Libertaire ou Le Monde Libertaire. Des articles à foison. Il a écrit aussi beaucoup dans La Rue, qui était animée notamment par Maurice Joyeux. Il a écrit dans toutes les revues. Alors, il y avait une petite revue qui n'a pas duré longtemps et qui s'appelait Le Magazine Libertaire. Le Magazine Libertaire, il y a eu alors 5 numéros, une belle revue sur papier glacé, tout ça, qui est sortie dans les années 80. Le premier numéro, il y a deux noms sur la couverture, Léo Ferré et Michel Ragon. Après, il y a d'autres noms intérieurs, mais il y a d'autres noms de couverture. Voilà. Et jusqu'à la fin de sa vie, Ragon, il a été voilà, de ce côté-là, très clairement, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Juste dire qu'il a été adhérent du CIRA, je pense. Presque jusqu'à la fin de sa vie. Il faudra regarder, je n'ai pas eu le temps de regarder les archives, mais le nombre, quand on regardait la liste annuelle, il était fidèle. On a peut-être des lettres de lui aussi. Il faudrait voir, vérifier. Alors, les questions. Ah oui, ça serait intéressant de les retrouver. Ouais, les questions, c'est effectivement. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un malentendu sur littérature. Quand tu dis. Quand on parle de littérature prolétarienne, tout de suite, dans l'esprit des gens, c'est communiste. Pourquoi ils ont choisi ce terme, finalement? Alors après, le prolétariat, oui, ça existe. C'est les gens du... Bah, on pourrait dire les gens du peuple, les gens de la base, je ne sais pas. Mais prolétariat, c'est... D'avoir choisi ce terme, je pense que ça ne leur a pas fait du bien et ça a coupé des lecteurs, je pense. Bien sûr. Mais comme le monarchie... Ah bah oui, bonne réponse. Il y en a qui préfèrent qu'on les appelle libertaires. Non, j'ai des anarchistes. Moi, je fais une différence entre liberté et anarchie. Pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, liberté, c'est beaucoup plus large. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est delay qu'on pense à liberté. Président d'Argentine. Il y a une différence entre les deux aussi, là c'est compliqué. Libertarien, c'est pas du tout libertaire, mais justement, ils ont vu aussi sur tout ça. Mais alors pourquoi littérature? Ben, les prolétariens, parce que ça correspond à quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est connoté. Oui, effectivement, on voit le. Alors aujourd'hui, quand on dit communiste, Enfin, moi, je m'affronte régulièrement à des gens parce que les mots veulent dire des choses aussi. Ouais. Le mot communiste, pour moi, c'est pas un vilain mot. Voilà. Mais bien sûr, quand on dit communiste, pour beaucoup, c'est parti communiste. Ouais. Qui dit parti communiste dit Staline, l'URSS, c'est tout ça. Toutes les horreurs qu'on connaît. Donc, prolétariat, c'est rattaché à communisme et donc à Staline et toutes ces saloperies. Voilà. Mais les mots ont un sens. Il faut. Moi, je pense des fois. Alors, des fois, ça peut être bien de se débarrasser de certains mots parce qu'ils ne correspondent plus ou ils sont trop connotés. Mais des fois, il faut aussi se réapproprier qui on est, même si c'est dur. Et puis, par exemple, moi, ça ne me dérange pas de me dire et anarchiste et communiste libertaire. Je ne fais pas trop de différence. Et quand je dis ça, oui, on me ramène toujours Staline et tous ces crapules. Mais non, c'est pas du tout pareil. C'est eux qui ont volé le mot communisme. C'est eux qui ont volé ça. Voilà. Mais ils ne sont pas. Mais c'est comme il est en Argentine, tous ces gens-là qui se disent libertariens, ou certains même anarchistes de droite aussi. Je me souviens, on en parle moins aujourd'hui, mais il y a une époque où c'était Pascal Auril a fait un bouquin sur les anarchistes de droite. Alors à ce propos, l'anarchiste de droite, il y a le journal que vous lisez sûrement chaque mois, Valeurs Actuelles, qui a sorti un numéro spécial, Les anarchistes de droite. Alors effectivement, je l'ai acheté par curiosité. Je ne sais pas ce qu'il est, mais là, c'est un supplément, c'est un hors-série. Quand tu seras abonné, tu en feras toutes les semaines. Non, mais je me suis contenté d'acheter ça pour connaître, pour voir que comment vous pouvez qualifier ces gens d'anarchistes. Parce que c'est vraiment un oxymore. Complètement. C'est insensé, quoi. Il y a tout ce temps d'écrivains, tout milliers, tout ça. Oui, tout ça. Alors que j'ai sorti l'histoire de la littérature libertaire, j'ai été obligé. Attends. Pose des questions avant de répondre. Mais après, j'ai dit juste quelque chose. Quand j'ai écrit l'histoire de la littérature libertaire, j'ai été obligé d'expliquer, parce que dans un bouquin comme ça, tu mets quoi dedans? J'ai été obligé d'expliquer, enfin, j'ai tout une petite formule, d'expliquer ce que j'entendais moi avec ce mot libertaire. Ça veut dire des choses, ou anarchiste, ça veut dire des choses. Moi, j'ai pas une société de liberté, d'égalité, de fraternité, d'entraide. Voilà, la solidarité, c'est une notion qui me semble très importante. Et pour moi, c'est une notion intrinsèque à l'idée anarchiste, ça. La solidarité, l'entraide. L'entraide, mais le profit, c'est pas un hasard. Et dans ce bouquin, Histoire de la littérature libertaire, donc j'évince tous ceux qui se disent anarchistes de droite. Parce que je dis, on ne peut pas être anarchiste et de droite. Éventuellement, anarchiste, on se situe à gauche. Parce qu'être à gauche, c'est la grande différence entre la gauche et la droite. La gauche, on pense que l'être humain, il est tel qu'il est, mais il est aussi en fonction de là où il vient et tout ça, et qui peut être autre chose. Voilà. Tandis qu'à droite, on pense que l'être humain, il est ça, et puis qu'il restera toujours ça, et qu'il n'y a pas d'évolution possible. Mais c'est aussi du pro-capitaliste, c'est... Oui, Michel Onfray qui parle de capitalisme libertaire. Bien sûr, c'est la folie. Il y a une question de demande des rapistes. Excusez-moi, je vais vous poser une question. Quelle différence il y a entre libertaire et libertarien? Ah, oh là là. Ça n'a rien. Il joue sur les mots, sur les notions. L'idée anarchiste au départ, enfin. Avec Proudhon et puis l'autre, c'est on est contre l'État, parce que l'État est le premier oppresseur. Voilà. Mais les libéraux, c'est ça aussi. Comment? Les libéraux. Oui, bien sûr. Mais sauf que nous, en tant qu'anarchistes, on est contre l'État parce qu'il est oppresseur, mais on ne s'arrête pas là. Les libertariens, eux, ils ne veulent plus d'État pour pouvoir faire leurs affaires. Parce que l'État, ça les gêne dans leurs affaires, c'est tout. Donc, éventuellement, si. Attendez, qu'est-ce que vous entendez par là pour faire leurs affaires? C'est quoi exactement? L'État, il va mettre des règles. il faut dérégulariser, c'était une étude du tabac avec sa consommation. Ça vient déjà aussi des États-Unis. C'est le parti, c'est le Libertarian Party. En États-Unis, le libertarien, c'est le parti, parti politique, Libertarian Party. Voilà, c'est important aussi. Mais en France, il n'y a rien d'équivalent. Ce courant-là n'a pas marché en France. Nous, nous par exemple, depuis qu'il y a de telles vagues dans le grand public qu'on entend sous libertaire, on parle toujours de libertaire socialiste. Pour avoir les deux. Avec libertaire socialiste, on dit que c'est un socialisme qui n'est pas communiste traditionnel étatique. Mais libertaire aussi, ça ne suffit plus en tant que mot lui-même. En tant que mot, comme ça. Il faut ajouter socialisme. Parce que libertaire, libertarien, il veut définir libertaire comme pro-capitaliste. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'il faudra envoyer son souci au mot anarchie. Parce que l'anarchie, c'est tout sauf le désordre, c'est tout sauf le bordel, c'est l'harmonie, enfin, c'est l'harmonie sans pouvoir. Mais sans pouvoir. C'est Ferré qui dit ça aussi. Voilà. On va dire que c'est un pouvoir dilué, parce que le pouvoir sans pouvoir. Dilué au maximum. Le problème de la langue française, c'est que vous ouvrez un dictionnaire et anarchie, vous avez mouvement politique qui veut changer le monde et il y a désordre. Donc là, je lisais Le Monde aujourd'hui, c'est l'anarchie en Syrie. À chaque fois qu'on voit l'anarchie dans un pays, il vaut mieux pas y aller. Comment ? Oui, non, mais c'est, je te rassure, l'article du Monde et voulait dire désordre, chaos. Après, il y aurait par rapport au libertarien. À une époque, il y avait même la Fédération anarchiste a mis en place une commission pour répondre aux médias à chaque fois qu'ils utilisaient le mot anarchiste. Mais c'était tous les jours. Oui, je crois qu'ils ont arrêté. Il y a une histoire aussi historique des mots. On a parlé du syndicalisme, anarcho-syndicalisme, qui voulait dire quelque chose à un moment donné. Et aujourd'hui, bon. Voilà. Et pour revenir sur le mot prolétaire, qui dit de sortir, qui n'a que le profit pour son travail. C'est toujours d'actualité. Alors c'est vrai que le mot prolétarien, il est hélas connoté, mais à mon avis, il faut se le réapproprier, parce que le prolétariat existe toujours. Même s'il a changé de forme, c'est plus. Alors avant, c'était essentiellement d'abord. Prolétariat payé, c'était essentiellement des hommes. Les femmes bossaient, mais c'était pas. En grande partie, hein, bon, les travaux qui étaient spécifiquement féminins, mais sinon c'est pas beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les usines ferment, le monde paysan il disparaît. Les services, par contre, là, prolétarien, il est plutôt là. Le monde immigré, il est en plein prolétariat. Tout ça, ça change, mais il existe plus dans le prolétariat. Enfin, tant. Si on parle du monde. Le prolétariat, il existe partout. Oui, il y a encore un nombre très important dans tous les continents. Donc voilà. Ici, bon, l'Europe, c'est la vieille Europe, mais c'est un mot, une classe qui existe encore. Mais c'est pareil, quand j'ai publié le dictionnaire de la littérature libertaire, j'ai été obligé de définir ce que j'entendais par libertaire ou par anarchie. Pour dire qui je gardais dans ce bouquin et qui je n'y mettais pas. Et quand j'ai publié le dictionnaire de la littérature prolétarienne, j'ai aussi défini ce que j'entendais par prolétariat. Parce qu'il y avait eu Poulain qui avait fait ça, mais Poulain c'était en 1930. Après, il y a eu Michel Aragon qui a fait ça, mais c'était à partir de l'après-guerre, puis le tour jusqu'en 1974. Voilà. Et moi, quand mon bouquin est sorti, c'est 94 ou quelque chose comme ça. Il a fallu que je redéfinisse ça encore une fois. Et ça existe toujours. Hein. Qui je retiens, qui je retiens pas. Voilà. Il y a une vie. Ça, c'est une revue actuelle qu'on a son numéro 9, là, et qui parle des écrivains prolétariens, c'est-à-dire des ouvriers, des employés, des gens, oui, c'est ça, qui gagnent, qui n'ont pas de capital, qui ne touchent pas des actions, qui travaillent, l'argent vient de leur travail, c'est tout. Mais Les paysans ne font pas partie des politiques. Si, tout à l'heure, il a cité Émile Guillaumin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut élargir la notion. À l'époque, puis avant, il y avait Marx aussi qui s'est privé dessus et tout ça. Mais les choses ont changé. Il y a eu une époque où le prolétaire, c'était celui qui travaillait de ses mains et qui n'avait pas l'outil de production. Aujourd'hui, c'est pas forcément ça. Il y a des gens. Enfin, pour moi, quand je vois tous ceux qui tiennent les magasins, les gérants de magasins, il y en a beaucoup, c'est des vrais prolétaires. Ils bossent 15 heures par jour, tout ça. Ils pour des salaires de misère, ils sont à la rue, il y a un souci. C'est des prolétaires. Il faut élargir. Les Uber, ils en sont aussi. Bien sûr. Mais voilà, tous les petits indépendants, enfin, il y a plein de gens, enfin, on a vu aussi avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y a tout, il y a à dire et à dédire. Il y a eu des côtés intéressants là-dedans. Notamment tout ce. C'est pareil, enfin, une bonne peine pour l'étariat et tout ça, mais il existe toujours. Ce prolétariat qui est de bas étage, qui n'a droit à rien, qui est constamment. Virer avant les autres, quoi. Les autres, ils ont les garanties, certaines garanties, il y a les syndicats qui existent encore, tout ça, mais il y en a qui sont encore en bas de tout ça. Et le fait, c'est que ce terme-là, il est marxiste, parce qu'en fait, ils font partie du prolétariat pour moi. Hein. Les gens qui sont vraiment extrêmement précaires et qui ont des boulots qui font que ils sont au bas. Pour moi, le prolétariat, c'est... Parce qu'en fait, le terme, je crois, de l'open prolétariat, c'est justement à l'époque où il n'y avait pas un plein emploi, mais disons que c'est des gens qui étaient comme des journaliers. C'était ça, ceux qui venaient, ou des tâcherons, ils travaillaient à la tâche. C'est ça. Et donc, je crois que Marx, il fait la différence entre ces gens-là et ceux qui étaient déjà intégrés dans des usines, salariés, même mal salariés, peut-être. Mais c'était ça. Et en fait, je trouve que c'est une considération, mais complètement débile et complètement erronée, dans le sens que même les gens qui travaillent à la tâche, parce qu'il y en a encore, et c'est tous les clandestins qui travaillent comme ça, à la journée. Quand tu vas devant les endroits comme QMP et tout ça, tu as tous les gars, ils viennent. C'est pour ça que les entreprises, c'est des petits entrepreneurs. C'est pour ça que le mot prolétariat, je pense qu'il faut le redéfinir, le rajeunir, mais ça existe toujours, oui. Mais tant qu'il y a des gens qui travaillent pour les autres. C'est ça. Oui, mais justement, je pense qu'il y a une difficulté, c'est que ça s'inscrit dans la théorie marxiste. Lorsqu'on inscrit le prolétariat dans le mouvement de la dynamique de Engels, ce n'est pas du tout le même que celui dont on parle là. Et c'est de là que vient la confusion. C'est-à-dire que le prolétariat, c'est autre chose pour Marx que ceux dont on parle en ce moment, on met tout le monde là-dedans. C'est ceux qui travaillent essentiellement à l'usine. C'est ça. Oui. Parce que c'est la classe qui va, en développant la dynamique industrielle, va faire la révolution. Il est là, c'est ça le prolétariat. Mais ce n'est pas celui dont je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein. On l'élargit. Mais précisément, on ne parle pas de la même chose. C'est pas du prolétariat au sens marxiste. Et c'est Bakounine qui misait beaucoup, lui, sur l'open prolétariat. Voilà. Et c'est pas la même chose. Et là, il faut faire. Il y a un point de vue théorique derrière qui induit une confusion. Et c'est une confusion grave parce que ça fait. Le prolétariat, bon, c'est tous les gens dont on a parlé, là, dont tu as parlé, dont on a tous parlé. Mais pas pour Marx. Et pas pour les marxistes. Enfin, Marx, il est inconcevable de mettre les paysans dans le prolétariat. Mais Marx, c'était aussi une époque, et je pense que si Marx aujourd'hui revoyait le monde et réécrivait aujourd'hui, il prendrait forcément compte des changements. Sauf que les marxistes pensent toujours de la même manière. Je pense qu'on allait dans ce sens-là, qu'il y a une notion complémentaire chez Marx, c'est qu'il y a prolétariat qui est l'avant-garde ouvrière. Oui. Et le projet historique, etc. Et tous les autres, c'est le lumpen prolétariat. Il dit ça comme ça. Il l'a pensé quand même, mais c'est pas qui compte. C'est pas eux qui comptent. Mais il a pensé cette réalité sociale et il l'a nommée. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut parler prolétariat au sens large ou dire lumpen prolétariat au sens large, ou est-ce qu'on a besoin encore d'un terme différent? C'est pas sûr qu'on ait besoin d'un terme différent. Parce qu'après tout, les mots, ils sont pas innocents. Ils attendent pas qu'on s'en serve. Ils servent dans la lutte des classes, ils servent dans les oppositions sociales. Et chacun doit s'en servir comme d'une arme. Il critique les loupes. Oui. Oui. Ce n'est pas encore le vrai prolétariat. Ça, c'est le problème. Mais toutes les différentes tendances qu'il y a eu dans la littérature prolétarienne. Parce que la littérature prolétarienne, version marxiste, c'est donc l'AEAR, l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, c'était un prolétariat d'ouvriers paysans. Point. J'ai une question. Est-ce que les anarchistes emploient ce terme prolétariat qui est justement un terme marxiste? Parce que moi, j'ai toujours entendu ouvriers paysans, par exemple. En Espagne, c'était les ouvriers, les paysans. Je veux dire, c'est simple, hein. C'est des termes simples. Ça s'emploie. Mais j'ai jamais entendu dire prolétaire. C'est vrai que c'est très connoté, mais on peut très bien dire que ben voilà, il y a des paysans, des artisans, parce que ça veut dire que parce que en fait, ce terme générique englobant. En fait, il veut tout dire, rien dire dans ce que tu dis au sens large. Tu dis ouvrier, paysan, petit artisan, employé, tous les micros, là, Uber, là, c'est des micro-entreprises. Je veux dire, et là, tout le monde comprend. Pas forcément, parce que tu es obligé de mentionner à chaque fois cette personne. Quand tu dis prolétariat. Oui, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, ce terme-là. Parce que ce terme, il est marxiste, il est employé à tel escient. Le prolétariat, c'est un autre terme, et moi je suis d'accord avec lui, qui veut dire autre chose. Donc, en fait, c'est toujours ces glissements sémantiques. Oui, mais moi, des fois, tu as besoin d'employer un terme générique aussi pour désigner tout. Tu ne peux pas à chaque fois être tout spécifié et tout ça. Ouais. C'est comme LGBT et tout ça. Aujourd'hui, on ne sort plus. C'est que pour les faire, c'est comme. Plus. Oui, c'est comme quand ça parle de terme politique, qu'est-ce que ça veut dire? Les anarchistes, ils n'ont jamais dit que la politique, c'était au sens large. Ils ont toujours dit révolution sociale. Voilà, mais ça, c'est une définition sémantique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se réapproprier le mot prolétariat, parce que ça correspond aux gens qui bossent. Voilà. Et le mot en soi ne me gêne pas, même s'il vient du marxisme et tout ça, ça correspond à quelque chose, élargi, bien sûr. Il faut se le réapproprier, comme il faut se réapproprier le mot anarchie, et puis quelques autres, voilà. Mais que ça soit Poula et Ouragan, ils étaient très clairs, quoi, dans leurs écrits, ils disaient, c'est les ouvriers, c'est les paysans, c'est les employés, les instits, ils pouvaient être classés dedans, les postiers. Et cette revue, là, qui continue de paraître, vous lirez des témoignages, pas que des gens qui travaillent à l'usine. Oui, c'est ça. Donc, bon, et ça s'appelle prolétariat, évidemment, on n'y peut rien. Et au fil du temps, quand j'ai fait le dictionnaire de la littérature prolétarienne, j'ai été obligé de redéfinir encore une fois, parce que là, j'ai sorti les temps en 94, c'était plus la même chose que 50 ans ou un siècle par an. Et je me souviens des professions, les prostituées, les classes où je dis ça parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs prostituées qui avaient sorti des bouquins où elles parlaient de leur travail. Et moi, je les ai mis en prolétariat. Et je me souviens d'un gars qui avait sorti un bouquin qui était gardien de prison, surveillant de prison. Sa vie, c'est. C'est d'être en prison. C'est d'être en prison et d'en sortir plus tard que c'est. Mais c'est vraiment du prolo. Ouais, mais c'est un métier répressif. Alors, est-ce que les métiers répressifs, tu peux les classer dans ce prolétariat? C'est moyen. Il n'y a pas de moral, au-delà, il y a les gardiens aussi. Ah non, mais il y a des métiers. C'est un gros débat qu'il y a eu en Espagne entre les différents syndicats, justement. Excuse-moi. Les différents syndicats en Espagne qui se revendiquent de l'anarcho-syndicalisme, et il y en a qui syndiquent, par exemple, les policiers municipaux, les gardiens de prison. Et l'autre, il dit, non, c'est pas possible de syndiquer ces gens-là, parce que le jour où on leur donne un ordre répressif, ils obéiront. Enfin, alors moi, je veux bien qu'il y ait des débats, il y a matière à débat. Tout à fait. Mais pour moi, un gardien de prison, par exemple, c'est le prolétariat. J'ai même qu'un truc de base, c'est le prolétariat. Même si après, on peut ne pas en vouloir dans nos rangs, pour d'autres raisons. D'accord. On n'a pas envie de se retrouver avec eux et tout ça. Mais enfin, si on s'en tient juste à ça, c'est pour être rien. D'accord. Après, c'est vrai, enfin, jusqu'où ça va, pour moi, un enseignant, enfin, c'était le cas avec Ludovic Massé dans les années 30-40, ouais. Il était maître d'école. Et déjà à l'époque, est-ce que c'est prolétariat ou pas alors ouais. Pour Ludovic Massé, oui. Pour moi, un maître, enfin, premier degré, c'est prolétariat. Mais le deuxième degré, c'est un petit peu moins évident parce que c'est des gens qui ont des diplômes. Et puis les professeurs d'université, alors là, je pense que c'est plus prolétariat. Mais à chaque fois où ça s'arrête, il y avait des salariés qui sont mis en collectivité dans une coopérative, par exemple. Pour moi, c'est prolétariat, oui. Oui. Il a soumis à. Mais pour moi, un petit patron, moi, parfois, je connais dans le prolétariat, c'est vraiment. Il gagne moins de ses employés, des fois, il travaille plus. Mais non, ça va, les conditions de travail aussi. Les conditions de travail, mais c'est vrai qu'un petit patron, si on regarde sur l'échelle des salaires, il ne gagne pas plus que son employé s'il en a un. Et ils ont les mêmes conditions de travail. Oui, exact. Tu parlais là de Ludovic Massé, alors c'est un peu différent, mais ils ont eu, avec Poula, ils ont eu un débat sur qu'est-ce que c'est que vraiment la littérature prolétarienne, c'est-à-dire est-ce que ça doit être juste des témoignages bruts de ta vie de travailleur, ou est-ce que tu peux faire de la littérature. Et leurs échanges sont vachement intéressants parce que Poula, il reprochait à Massé de faire de la littérature, quoi. Et alors que bon. Alors, moi, c'est un peu comme toi, hein. J'ai dévoré le bouquin Dragon, j'ai relevé les noms, et puis j'en ai lu pas mal. Alors, il y a des bonnes choses, puis des choses, ben, il faut le reconnaître, tout est intéressant, mais au niveau littéraire, il y en a qui sont quand même moins bien. Justement, je voulais poser une question, parce que je suis complètement néophyte dans ce truc de littérature prolétarienne. Mais par exemple, je sais qu'il y a des gens. Moi, j'ai un copain qui a fait de la collecte auprès de mineurs en milieu rural, et c'est des gens qui ont écrit des cahiers. Est-ce que ça fait partie des cahiers de souvenirs de la mine là, en l'occurrence, le truc qui me vient à l'idée. Mais ce n'est pas de la littérature au sens de la littérature. Non, c'est des gens, c'est des témoignages, en fait. Ça fait partie des témoignages sur des cahiers. Et l'écriture prolétarienne s'articule autour de l'idée du travail. Parce que c'est pareil, après, il y a aussi plus d'écrivains régionalistes. Il y en a beaucoup qui, dans ce courant-là, qui parlent des petites gens, mais qui ça ne va pas plus loin. Puis ça, ils ne sont pas du milieu des petites gens. C'est ce qu'on appelle la littérature du terroir, là, qui marche vachement. Ouais. Éventuellement, ça va être populiste, mais c'est pas la littérature prolétarienne. Il faut vraiment qu'il y ait... Et puis, c'est pas parce qu'un ouvrier va écrire quelque chose que ce sera de la littérature prolétarienne. S'il écrit quelque chose sur... Je dis ça parce que la revue Fragment, à laquelle je participe, on reçoit régulièrement des textes. On reçoit plein de choses. La preuve, il y a des gens qui se retrouvent là-dedans et qui écrivent. D'ailleurs, il y a des textes. C'est quelqu'un qui parle de l'arrivée du printemps et qui est très heureux parce qu'il y a des petites fleurs, des oiseaux qui chantent et tout. C'est pas de la littérature prolétarienne. Même si c'est un ouvrier ou même un Uber et tout ça. Mais alors après. Et ça peut être journalistique ou Alors après, sur la forme que ça peut être. La forme. C'est vrai qu'on a souvent dit que la littérature prolétarienne, c'était une littérature de témoignage. Et que ça n'allait pas au-delà. Mais ça, c'est une critique un peu méchante. C'est une critique pour dire que ceux qui. Enfin, c'est. La trahison d'éclair. C'est lui qui avait écrit ça, enfin des doigts, je ne sais plus comment il met, des doigts noueux ou des doigts sales ne pourront jamais écrire la vraie littérature, quoi, avec, comme ça. Je m'élève complètement contre ça. C'est vrai que la littérature prolétarienne, a priori, ça va être écrit par des gens qui bossent. Qui n'ont pas d'autre possibilité que de bosser pour vivre. Il n'y a pas les parents derrière, il n'y a pas ça, les droits d'auteur, les revenus, annexes et tout ça. Ils sont obligés de bosser pour vivre. Donc c'est des gens qui souvent sont autodidactes, ils n'ont pas fait d'études. Mm-hmm. Voilà. Donc il y a des gens qui ne vont pas forcément toujours maîtriser le français avec les subtitres de la parfait et toutes ces choses-là. Et ce qu'ils vont avoir à dire, ça va être avant tout, à partir du moment où ils s'approprient la chose écrite, ça, c'est déjà une démarche super importante, ça. Ça veut vraiment dire se mettre debout. Pour moi, c'est la démarche, elle est foncièrement libertaire. Ils se mettent debout, ils s'approprient ça. Et là, ils vont avoir plein de choses à exprimer, mais ils ne manieront pas forcément très bien l'outil. Donc, effectivement, tant que ça reste là, c'est une littérature de témoignage, qui peut être passionnante, hein, très intéressante et tout ça, mais de témoignage. Mais il y en a qui se prennent au jeu aussi là-dedans. Il y en a qui vont... Parce que écrire, enfin, c'est comme tout, hein, quand on construit un mur la première fois, il travaille avec ça. Si on en fait régulièrement, on arrive à faire un beau mur bien droit, qui tient, et tout. C'est comme tout. Et quand on écrit, à un moment, ça améliore en général. Alors, ça a été le cas pour Poulaille, qui a réussi à écrire des, gros, ouais, des vrais romans, des bons romans. Ça a été, c'est le cas évidemment pour Michel Aragon, qui a appris à écrire en écrivant. Voilà, qui n'a aucun diplôme et tout ça. Je pense aussi à quelqu'un qui est. Ça reste de la littérature prolétarienne. Ça reste de la littérature prolétarienne, mais ça devient. Ça échappe à ça, oui, ça devient de la littérature blanche, comme certains diraient. Ouais. Ou, je pense à quelqu'un comme Georges Navelle. Oui. Qui est un peu oublié aujourd'hui. Ce qu'il écrit, c'est magnifique. Attends. Je ne comprends pas pourquoi vous employez le verbe s'approprier. Je ne sais pas, il me gêne, moi, ce verbe. C'est un mot que j'aime beaucoup. C'est le mot propriétaire, ça. S'approprier, ça veut dire posséder quelque chose. Non, c'est prendre quelque chose qui n'est pas forcément dans ta classe et puis que tu l'utilises. Ah, je comprends, mais quand même, s'approprier, c'est. Oui, bon, bah, c'est la langue. Bon, bah, si on argumente sur tout le monde, ça me fait penser à un slogan. Ça me paraît lourd, peut-être c'est une impression. Ouais, ça me fait penser à un slogan que j'ai réentendu il n'y a pas très longtemps. C'est. Tout est à nous, rien n'est à eux, tout ce qu'ils ont, rien n'en vaut, s'approprier son outil de travail. Oui. Voilà. Non, son outil de travail, ça c'est une chose, mais dans la mesure où c'est l'écriture, c'est s'approprier un moyen d'expression. L'écriture, encore aujourd'hui, tu vas en librairie, tu regardes tous les bouquins qui sortent, par qui sont-ils signés? C'est tous les auteurs qui sont. Il n'y en a aucun qui vient du monde du travail. Aucun, enfin c'est l'ordre de 0,1%. Ouais. Chaque année, il y a le Monde qui passe en revue la rentrée littéraire en septembre. Hein. Il passe en revue les auteurs qui publient un premier roman pour la rentrée littéraire. C'est intéressant ça, parce que qui sont ces auteurs-là? Un premier roman. Quand on écrit, c'est extrêmement difficile de trouver un éditeur. Extrêmement difficile. Alors, comment ils ont fait? Moi j'ai publié peut-être 50 bouquins et je suis toujours à me décarcasser pour trouver un éditeur. Ça vient pas comme ça. Pour moi c'est forcément plus facile que pour d'autres, mais c'est extrêmement difficile. C'est un milieu très cloisonné. C'est un milieu. C'est un milieu d'argent. Ça se sent. C'est Michel Ravoux qui écrit quelque part. Il est écrivain, à un moment, il est écrivain reconnu, tout ça, donc il va à des cocktails, il va à des présentations de bouquins, il va dans des lieux, tout ça, et il dit à chaque fois que je suis dans ces lieux, j'ai l'impression d'être un gibier parmi les chasseurs. Voilà, c'est ça, quand je dis se réapproprier, l'écriture, elle n'est pas. Il y a les codes publics obligatoires et tout ça, mais qui utilise l'écriture aujourd'hui, qui maîtrise l'écriture et tout ça, c'est pas les gens qui bossent, c'est pas le prolétariat, j'ai posé son mot, mais c'est pas le prolétariat. Le prolétariat est complètement dépossédé des moyens d'expression. Oui, je saisis mieux, d'après ce que vous dites, je saisis mieux quand il faut se réapproprier, l'écriture c'est un outil, c'est ni à gauche ni à droite, c'est ni au riche. Ça, je l'ai compris. C'est comme, moi j'aime beaucoup la musique classique, et quand j'en parle avec des gens, ouais, mais musique classique c'est pour les bourgeois et tout ça. C'est vrai qu'il faut. Des genres de sensibilité, il faut une éducation à l'oreille pour écouter du classique. Mais le classique en soi, c'est ni bourgeois, ni prolo, c'est rien du tout. C'est un moyen d'expression comme un autre. Et l'écriture, c'est vraiment du même ordre, c'est un moyen d'expression. mais qui est entre les mains des possédants. C'est pour ça qu'il faut se l'approprier, la réapproprier, pour dire à notre tour, nous aussi on existe, on a quelque chose à dire, et qui n'est pas plus sot que tous ces gens qu'on voit à la télé. Ils parlent de leur nombril en permanence, ils parlent de leurs problèmes avec leur dernière Maserati ou leur couple. Oui, monsieur, vous permettez, ils ont 27 000 euros par mois. Oui, voilà. Mais non, mais on les défend pas, t'inquiète. Donc ils ont des soucis. Donc ils surveillent leur maison et leur personnel. Donc ils ont plein de choses vachement intéressantes à écrire. Mais nous, si on veut s'exprimer, il faut qu'on se réapproprie tous ces moyens. Faut qu'on les... C'est presque comme si on devait les voler, tous ces outils-là. Oui, je voulais dire ce sens que ces outils, ils sont à tout le monde, de toute façon, mais. A priori, mais beaucoup, par leurs conditions, ne savent pas qu'ils pourraient le faire. Donc, s'approprier ça. Moi, je peux le faire. Vous dites, c'est très vrai. Et j'ai une question à propos de votre livre. Je voudrais savoir pourquoi vous l'avez écrit, qu'est-ce que vous voulez dire de principal dans ce livre. C'est une question qui vous ramène à l'essentiel. Pourquoi je l'ai écrit? Alors, je l'ai écrit parce que je me retrouve tout à fait dans cette démarche. Enfin, je parle de moi, là. C'est égoïste, hein. Ma connaissance avec Michel Ravon, je parlais tout à l'heure de l'histoire de la littérature prolétarienne qui est écrite, que j'ai lue et dit faut littérature libertaire, patati, mais il a fait une étude. Voilà. C'est comme ça que je l'ai écrit. Mais en fait, ma connaissance avec Ravon, elle est antérieure à ça. Moi, j'ai toujours adoré les bouquins, la presse et tout ça. Donc un jour, je fouille dans une maison de la presse et puis je tombe sur un numéro du magazine littéraire. Ça date en 80 et la couverture c'était sur la Fonction Armée Rouge. Alors, jeune militant anarchiste qui avait un peu envie d'en découdre parfois, tout ça, enfin, je vais à un milieu un peu comme ça, me dit qu'est-ce qu'ils peuvent raconter sur la Fonction Armée Rouge allemande. Je ne voyais pas le rapport avec la littérature. Donc, je le prends, je le feuillette, et puis en fait, bon, il y avait un dossier là-dessus qui n'était pas du tout intéressant, mais dans ce numéro-là, il y avait toute une page, une nécrologie d'Henri Poulaille. Donc je découvre Henri Poulaille, je découvre la littérature prolétarienne. Et puis je regarde à la fin qui avait signé l'article, Michel Ravon. En allant fouiller dans une maison de la presse, je découvre la littérature prolétarienne, Poulaille-Ravon. Enfin quelque chose, donc pour ma vie, ça a beaucoup influé sur ma vie, ça. Donc après j'ai rencontré Ravon, tout ça, et j'ai pas rencontré Poulaille parce qu'il est mort juste. Donc je l'ai découvert avec sa nécrologie, mais limite. Mais et pourquoi je m'intéressais à ça? Parce que je viens d'un milieu, alors je viens de la banlieue parisienne, 9-3, la Courneuve, voilà, un milieu pauvre. Alors oui, c'est comme Ravon, hein, on n'était pas dans la misère, mais c'était pauvre, quoi. Tout autour de moi, c'était que des ouvriers ou des filles d'ouvriers. Enfin, j'habitais dans le premier immeuble qui a été implosé en France, qui a été retransmis à la télé, et on l'a fait exploser de l'intérieur. Mais c'était la cité 4000 à Épreuve, c'est là où ont été relogés aussi les harkis, et puis tous les camps qu'il y avait autour de Paris, les camps de gitans et tout ça, tout le monde a été relogé là. Donc dans cette cité, enfin... j'en ai des très bons souvenirs parce qu'il y avait personne n'était de là, personne n'était à Courneuve, tout le monde était étranger. Les Français venaient du Massif central ou de Bretagne, ils étaient aussi étrangers que celui qui venait d'Algérie ou celui qui venait d'Asie. Il n'y avait pas de problème, c'était d'ailleurs très très riche et tout ça. Mais quand on vient à un milieu comme ça et qu'on se pose des questions, gamin, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Sont bêtes et essentielles, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'était soit bosser en usine, il y avait plein d'usines aux alentours, bosser en usine, mais quand j'entendais les parents qui racontaient leur vie en usine, ça ne donnait pas envie de prendre leur suite. Ou soit, à l'époque, il n'y avait pas encore les trafics de drogue et tout ça, donc rien de ce côté-là. Ou soit pas grand-chose. Et quand tout petit, on se dit, j'ai pas envie d'avoir un supérieur, et j'ai pas envie d'avoir un maître, puis d'être le maître de quelqu'un, enfin. Parce que c'est un peu ça quand même, soit que tu es au bas de l'échelle, et tu t'en prends plein la gueule avec tous tes chefs et tout ça, ou soit tu montes les échelons et tu deviens chef à ton tour. Ouais, Un peu ce qu'on nous propose quand même. Après, dans les termes de prolétarien, il y a la notion de refus de parvenir. Voilà, c'est un refus de parvenir. Ouais. Et quand tu veux pas tout ça, alors pourquoi? Je sais pas, moi, tout peu, mais vraiment tout petit, je voulais ni l'un ni l'autre. Je me sentais anarchiste, sans bien sûr pouvoir l'exprimer de cette façon-là. Mais, et donc j'ai lu tout ce que je pouvais pour essayer de trouver ma place dans l'existence. Tout à fait ça. Et c'est tout à fait le parcours de Poulaille et de Ragon. Voilà, donc je me retrouve dans ce parcours. Et quand j'ai, après la mort de Michel Ragon, où j'en ai eu là quand même, je me suis dit, il y a quelque chose à raconter. Mais en essayant de comprendre comment un gamin vient d'où la petite étincelle. Voilà. Pourquoi tout jeune, des fois on va se dire, tout le monde ne vient pas écrire, mais des fois on se dit tout petit, je veux pas, cette société-là ne correspond pas. Voilà, j'ai pas envie de vivre dans ce monde tel qu'il est. Et si j'y suis contraint, j'y suis contraint, je vais faire tout ce que je peux pour le changer, pour faire en sorte que ce monde devienne plus humain, plus beau, plus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Et la question elle est d'autant plus importante que moi je viens d'une famille. Tout le monde a bossé dans l'imprimerie dans la famille depuis des générations. Donc avec le côté papier, encre et tout ça, c'est Juvenès qui disait je suis un buveur d'encre. Mais moi je peux reprendre ça aussi, je suis un buveur d'encre. Mon père, quand il rentrait du boulot, il bossait dans une imprimerie, il sentait l'encre. Ma mère avait été papetière, un métier qui n'existe plus, mais il fallait plier les feuilles, les couper, tout ça. Tout le monde a toujours bossé dans l'imprimerie. Mais alors dans ma famille, personne ne sait lire, ou pratiquement pas, et personne ne sait écrire. Et quand moi je me suis mis à publier les bouquins, mon père qui était encore en vie, il prenait le bouquin, il a regardé, voir si le numéro de page correspondait en bas, la forme, si c'était bien imprimé ou pas, et tout ça, il faisait des remarques comme ça. Il ne lisait pas, alors qu'il y a eu certains de mes bouquins dans lesquels je mets des membres de ma famille en scène. Il ne lisait pas, et puis ça s'arrêtait là. On n'a jamais eu une discussion sur la société telle qu'elle est, telle qu'on voudrait qu'elle soit, tout ça, enfin, même pas. Mais j'ai des frères, c'est pareil. Si je publie un livre que je leur donne, ils sont contents parce que en couverture, il y a le même nom. Ouais. Bon, Thierry, c'est bien. Mais ils ne les lisent pas. Voilà. Ça m'a toujours posé cette question, ça, pourquoi dans un même milieu, on va être aussi différent. Ouais. Elle vient d'où cette petite étincelle? C'est ce que j'ai essayé de trouver chez Michel Ragon. Alors, pourquoi tout petit s'intéresse au bouquin? Pourquoi tout petit, tout ce qui est papier, tout ce qui est écrit, tout ça, il prend tout et il passe dans sa chambre quand il était à Nantes et chambre crasseuse, enfin, ça fuyait, tout ça, il faisait froid. Et il lisait dans son lit, tout ça. Et puis à l'époque, sa mère a dû lui dire ne lis pas, c'est une perte de temps, tu consommes de la bougie ou de l'électricité, tu vas devenir aveugle, et puis peut-être fou. Tu vois, ça va te mettre des, comme disait Père Poulaille, là, ça va te mettre des mauvaises idées en tête, et on ne sait pas ce que ça va donner. Et pourquoi un gamin, et ben avec tout ça, il bifurque, et puis il lit, jusqu'à en faire son outil d'émancipation. Parce que c'est ça la lecture, quand même, c'est ça le livre. C'est un outil d'émancipation, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc j'ai voulu comprendre tout ce cheminement que j'ai pas compris d'ailleurs, je suis resté sur ma faim. J'ai terminé le bouquin, bon, je pense que je connais bien Michel Ragon, on a été très proches, je me situe vraiment dans la même façon de penser, mais cette question existentielle, je la comprends pas pour moi, je la comprends pas pour lui. Ça va devenir dur. C'est peut-être une bonne chose. Il n'y a pas déterminé. Il n'y a pas déterminé. Il faut la laisser ouverte. Oui, tout à fait. Je laissais mes personnes. Ça me paraît très bizarre ce que tu dis parce que je viens du même milieu que toi. Et dans le sens que. C'est toi qui me volais mes chocolats à la Courneuve, les 40 balles et tout ça. Je ne suis pas de la Courneuve, mais mon père, il était typo. Et dans le milieu du livre, bon, l'odeur de l'encre. Mais en fait, mon père lisait. Il y en a beaucoup. Ah Alors c'est pour ça que je pensais que tous les gens qui travaillaient dans le livre, dans les ouvriers du livre, parce que mon père disait toujours que c'est l'aristocratie de la classe ouvrière. Oui, c'est sûr, notamment les filles. Et alors du coup, je pensais que moi, tous les gens qui travaillaient dans le livre, ils disaient quoi. Notamment les typos, les correcteurs, c'était des typos, les correcteurs, c'était des juste des typos. C'est pour ça que quand tu t'entends ça, mais mon père, il imprimait toutes sortes de choses écrites. Il n'avait pas. Par exemple, la déclaration d'impôt, tous les papiers officiels, tout ça, c'est ma mère qui les faisait. Ma mère avait eu le certificat d'études. Oui. Et quand elle disait ça, c'était comme aujourd'hui, pas plus 5. Oui, à l'époque, c'est l'équivalent. Oui, mais les gens ne savaient pas que là, il y avait le certificat d'études. Mais c'est intéressant, et puis. Vous avez fait une belle écriture. Non, mais c'est un auteur comme Jean Médéac, tu le mets dans quoi? Tu le mets où celui-là? Ah, mais en tout cas, il coûte toujours des problèmes. Encore récemment, il a fallu, dans le fragment, que je fasse un article pour un autre époque sur la vie. Parce qu'il a dit des choses et après, c'était pas vrai, et puis c'est, on sait pas, et puis. Tout auteur, non aussi. Oui, non, mais ça c'est. Ah, si tu le classerais. Je ne dis pas qu'il est mort, mais il invente aussi un auteur. Ah, bah oui, ça c'est. Et c'est justement la littérature prolétarienne, puisque c'est de la fiction, enfin c'est du documentaire, ou autre chose. Quand l'auteur se prend en jeu, à un moment, au début c'est du témoignage. Oui. Presque tous les auteurs sont passés par une phase témoignage. Mais même les écrivains, ils racontent souvent un peu leur vie au début. Oui. Et puis après, quand tu t'appropries l'écriture, quand tu sais l'utiliser tout ça, tu fais de la fiction. Et à partir de ce moment-là, t'échappes à la littérature prolétarienne en général. Et puis c'est des livres, il y a du faux. Alors pour Mecker, moi je le classe dans l'auteur prolétarien, parce que de par son origine, de par son parcours et tout ça. Mais après, c'est roman policier, c'est autre chose, enfin Amila, c'est autre chose, même si roman, mais toujours est-il qu'il met, même après, ça échappe à la littérature prolétarienne, mais dans ses romans, il met toujours en scène quand même beaucoup de petites gens. Mm-hmm. Oui. Et c'est pour ça que. Donc pour moi, il en fait partie. Oui. Et il y a aussi un autre. Panaïtis Ratitum, maintenant. Bah oui, complètement. Ouais. Parce que là, tu as parlé de. Prochain, c'est spécial. Oui, et celui d'après, c'est spécial Panaïtis Strati. Voilà. Panaïtis Strati, c'est un peu. On parlait, je ne sais plus de qui t'a parlé, mais qui avait un espèce de mentor, c'était Romain Rolland, avec qui l'a aidé. Il était roumain, il ne parlait pas français, hein, il a appris dans les dictionnaires. Et son premier manuscrit, c'est Romain Rolland qui l'a corrigé. Puis après, ils se sont fâchés parce que Panaïtis Strati fait un voyage en URSS et voit que c'est complètement naze. Et Romain Rolland lui dit, mais il ne faut pas le dire, il était compagnon en gros du PC. C'est dommage, il y a tout leur nom. Moi, je suis devenu fanat de Panaïtis Strati. Marie-Yvonne en fait partie de l'association. On a été en Roumanie sur ses traces. On adore. J'ai lu tout ce qu'il a fait, même la correspondance. 600 pages de correspondance avec Romain Rolland. Là, il faut commencer à être fanat quand même pour lire ça. Mais franchement, c'est passionnant. T'as plein de choses dedans. Bon, t'as les Strati, t'as Rolland, mais t'as aussi tout fou historique. Parce que c'est super important, ça. Ouais. Mais je me suis intéressé à Rolland avec Masrel. Ah, Masrel aussi. C'est vrai, qu'est-ce qu'il a aussi bien soutenu, Roland. Ouais. Masrel, c'est un graveur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui fait des romans sans parole, en dessin, et c'est vraiment génial. Bon, il en est réédité pas mal. Oui, oui, on trouve maintenant. Non, il y a plein de noms comme ça. Effectivement, il y en a, ça va être plutôt le témoignage brut, puis d'autres où c'est quand même de la. Je ne sais pas ce qu'est bonne ou mauvaise littérature, mais il y a comme, quand on lit des bouquins, on voit bien s'il y a un style qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas. Quoi. Mais Rago, quand il écrit Les mouchoirs rouges et cholés, à sa période vendéenne, pour moi, c'est plus de la littérature prolétarienne. D'accord. C'est pas du roman régionaliste. C'est historique, roman historique, alors peut-être. C'est un roman historique parce qu'il y a une énorme trame historique, bien sûr, mais c'est même pas du roman historique à proprement parler, c'est de la littérature, au point. Bon, après, il faut lire, on aime, on n'aime pas. Et là, il y a des noms quand même. J'ai cité vite Nel Doff. Moi, je trouve que c'est une fille qui était vraiment. Elle portait des trucs, justement, un peu comme des sauts. Elle faisait des commissions entre les magasins de couture. Après, elle était prostituée. Et puis, elle est tombée sur un gars qui est aussi un socialiste qui a vu qu'elle avait du talent, qui l'a poussée à écrire. Et c'est vraiment des très, très beaux bouquins. Hein. Ça aussi, on les trouve, c'est réédité. Hein. Elle était belge ou hollandaise. C'est la collection Espace Nord. Mais c'est vraiment en plus, c'est vraiment de la littérature prolétarienne parce qu'elle explique vraiment. Parce que la misère toi, qu'il y avait dans ces pays, d'ailleurs on n'imagine pas encore les Pays-Bas, on se dit c'est des riches, mais non, vers 1900 c'était la misère totale quoi, pour une partie de la population. En tout cas, s'il y a des riches, il y a des misères. C'est quoi le souligner un slogan comme ça? Voilà, donc merci pour votre question, merci Thierry d'être venu. Il ne vous a pas tout dit, hein. Donc je vous engage à acheter son bouquin chez un bon éditeur. Qui est chez un très bon éditeur, ouais, tu sais. Et puis, alors c'est celui dont il nous a parlé, puis il a apporté quelques bouquins ouais, deux, trois, pour montrer un exemple de ce qu'il fait. Voilà.